bah ça va nous faire le numéro 1 de l'été cette histoire. Numéro 1 encore une fois cette semaine du classement Eurodance 25, les Daft Punk avec Get Lucky en numéro 2, Major Lazer numéro 3, Armin van Buuren pour le This Is What If Is Like, en 4ème Avicii, en 5ème Calvin Harris avec le I Need Your Love. Faites gaffe à Avicii qui risque de montrer très très vite, en 3 semaines il se retrouve dans le top 5, donc ça risque de faire mal peut-être dimanche prochain et peut-être un nouveau numéro 1 à la clé. Voilà, belle soirée tout le monde, n'oubliez pas partie faite by Econ tout à l'heure dès 23h, une belle soirée qui s'annonce pour terminer la semaine tranquillement. Mickaël, nos limites en direct. Bah oui. J'ai bien aimé le Capital Cities. Ah mais moi aussi que t'as passé, il est très très bien. Moi aussi j'ai bien aimé ce morceau qui gagne 3 places cette semaine, donc ça mange très très bien pour tant lui. Tant mieux. Voilà. Parfait. Oui. Je continuerai à le jouer dans tous les clubs de France. Mais je disais mais c'est pas un best-of le dimanche soir ici. Non, c'est non, en direct. On est là exactement. Ah, il est 14h20 mais tout. Bon bah bonne soirée tout à l'heure. Merci beaucoup, bonne émission. Allez, ciao, c'est parti, Mickaël nos limites, on est parti jusqu'à 23h. Mickaël tous les soirs 20h-23h sur Fun Radio. Et on est là en direct, ouais, content de vous retrouver là. Bah, heureux d'être là pour la première de la semaine là. Ça y est, c'est parti jusqu'à 23h là, le dimanche soir, 20h-23h. Et puis dès demain, lundi jusqu'à jeudi, hein, de 23h à 2h du mat, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Vous allez tous passer un bon week-end. Ouais. Bon, tant mieux. Allez, comme tous les soirs là, on vous attend évidemment pour parler avec nous de ce que vous voulez. Hein. Vous êtes ici chez vous évidemment. Vous appelez le 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de Fun. Et puis pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0, numéro local à chaque fois, donc vous êtes tranquille. Et puis ah putain, il fallait que je vous parle d'un truc, j'ai vu ça ce matin. Alors saut du lit, bon il était 11h30, saut du lit, je regarde sur Facebook les trucs, et là qu'est-ce que je vois, la vidéo du pape. Bon déjà ça choque un peu, mais c'est surtout quand je le vois qui est en train de bouffer ses crottes de nez. Ah non mais c'est d'une violence. Ah bah ouais, bah si vous l'avez pas mais vu, je vous l'ai mise sur le Facebook là, facebook.com/Mickaël officiel. Allez voir hein. Franchement, venant du pape, je suis choqué. Enfin ça peut venir d'autres personnes, c'est je serais choqué. Par la religion, ça non va. C'est pas interdit, mais tu sais, il se cure quand même bien le nez et après il regarde et... Quelle honte. Bah il regarde ce qu'il mange avant hein. Et bon appétit bien sûr, évidemment. Non mais voilà, ça m'a choqué, donc si vous voulez aller la voir et laisser vos commentaires, bah facebook.com/Mickaël officiel. D'ailleurs j'ai oublié dire que Polo avait aussi un petit dossier à propos de crottes de nez à nous raconter. Oh là là, vous vraiment c'est maintenant non, ou après? Bah vas-y, c'est quoi? Alors c'est un peu long. Ouais. Non, c'est pas long en fait. En fait, une fois, bah c'est Toff, spécialiste, moi, évidemment. Spécialiste du curage de nez. Ah oui. Et un jour, on est en bagnole avec. Bah, il a bien déplacé les cadres. Ouais. On était 4-5 dans la bagnole et tout. Et Toff conduisait comme d'habitude, en train d'envoyer des textos et en train de. Et en train de se curer le nez. Mais ça, on l'a. Bon, comme d'habitude, tu vois. Et à un moment donné, il y a un type qui est avec nous, un pote. Et commence à taper une barre de rire. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, regarde le volant. Et là, je regarde le volant. Et c'est pas qu'il y a une crotte de nez grosse comme ça. Non, mais quand je vous dis comme ça, quelle horreur. Comme une olive. Et là, il lui dit, à Toff, est-ce que tu pourras enlever tes Mickey que tu veux ça? Et ah oui, pardon. Et il l'enlève, il le fait. Ah, il quelle fait une horreur. Boulette, il la jette par terre. Quelle horreur. Bon bah allez voir la photo du pape là, avec ses crottes de nez là sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis bah venez aussi me dire à quel âge vous avez regardé votre premier film porno. Non, je dis ça parce qu'en fait j'ai eu une info qui donnait l'âge moyen, j'arrive pas à y croire. Moyenne, 12 ans pour le premier film de boule. Ah oui, quand même, ouais. Ah ouais. Donc premier film de boule à 12 ans quand même hein. Donc Polo, quel âge toi premier? À peu près pareil. À 12 ans aussi. Voilà, ouais, c'était beaucoup plus dur de trouver du porno hein. Et Toff premier? Non, moi c'était 14 je crois, 14 ou 15, ouais, parce que c'était comme dit Polo, c'était dur hein. C'est plus compliqué. Il fallait que les potes ils enregistrent sur des grosses cassettes ou qu'ils leur volent à leur père. Ouais souvent. ouais aussi, oui, évidemment. Voilà, fallait voler chez les libraires aussi, tu sais. Ouais. premier film de boule. Franchement là, je peux j'ai jamais regardé. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, un film de boule? On joue, c'est un sport? Non, je connais bien quand même. Le cochonnet. Ah ouais. Bon, bah, venez nous dire, vous, là, quel âge votre premier film de boule, là, justement. On va en parler ce soir avec plaisir. Et puis, moi, c'était aussi 14, ouais. 14, un truc comme dernier, ça. C'était part. Ce matin pour moi. Et on est ravis de l'apprendre. Ah, c'était pas dans le bureau? Voilà, non, c'est ça. Donc, venez nous dire tout ça. Et puis, on a eu du lourd aussi ce week-end. Hein. C'est Vincent. Et je suis désolé. Je vous attends sur le plateau. Voilà, il attend sur le plateau. Est-ce que vous avez vu la sortie des 10 vendredi là? Parce qu'il paraît qu'il y a eu un petit problème de pourcentage. Ouais, et même il y a des gens aussi sur les réseaux sociaux, là, Facebook et Twitter, qui vont jusqu'à dire qu'il y a eu de la triche. Alors d'après eux, si on additionne tous les pourcentages, on arrive à 100,1%. Ouais, bizarre hein, quand même. Hein. Et comme j'ai vu que c'était un peu le bordel aussi sur Twitter, là, venez nous dire ce que vous en pensez, si vous avez vu ou pas Secret Story ce week-end. Donc, et puis comme tous les dimanches, on va aussi eh bien se refaire un grand moment. Hein. Le chéri, je peux te faire cocu. Putain, pardon, je vais te mettre une gomme dans ta gueule, connard. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Demande pardon à Michel. Demande pardon à Michel. Voilà, donc si vous étiez pas là lundi, bah, vous avez raté du lourd. Hein. J'ai ton cul, je me suis dans ton cul, tu vas voir, c'est quoi. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. On le remettra tout à l'heure, hein, puisque vous avez été nombreux à le vouloir. Je vais le mettre sur le Facebook aussi, puisque vous avez la version audio et vidéo. Ce sera dans un instant sur facebook.com/michaelofficiel. Et si vous voulez participer demain, donc au chéri, je peux te faire cocu, j'aurai un écran LED Full HD à vous offrir demain. Si vous voulez jouer avec nous, eh bien vous appelez dès maintenant Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis justement, parlant de standard, il y a qui est avec nous maintenant. C'est Jérém. Bonsoir Jérém, t'appelles pourquoi? Oui, bonsoir, salut Mika, j'appelle. Ouais. Bonsoir. Ah, bonsoir. Oui. Bienvenue sur Grosse Voix FM. Voilà, bonsoir. FM. Non, t'appelles pourquoi, Jérém, dis-moi. Ouais, j'appelle en fait parce que je suis timide et depuis plutôt à 25 ans en fait. Bah t'inquiète pas, tu vois, moi aussi je suis timide. Non, c'est vrai en plus, hein, on dira pas comme ça, mais un petit peu quand même, ouais. Mais bon, quel séducteur, mais oui, quel lover, évidemment, ouais. Évidemment. Bon, bah Jérém, reste là, on va en parler dans un instant, la bouge pas de là. On a aussi Camille qui est avec nous, là. Bonsoir Camille, t'appelles pourquoi? Salut Mickaël, salut toute l'équipe. C'était pour parler de l'acné chez les jeunes adultes. Ah bah parfait, bon on en parlera justement parce que j'ai eu un star qui a poussé là, c'était ce matin. Ouais, ça va, t'en as un tous les 6 mois. Non mais toi, je l'ai démonté le miroir et j'en souviens. Ah oh là là là là là. De mes crottes de nez. Ah non mais moi je le laisse pas sur le volant là. Il a pas vu en public. Exactement. On était tous derrière à la table. Je l'ai fait non seulement discrètement mais j'ai nettoyé derrière sans qu'on me le demande. Non mais alors. Bon ben on en parle Camille dans un instant là. Reste avec nous. Il y a Philippe aussi là de Perpignan. Salut Philippe. T'appelles pourquoi? J'appelle pour parler de libertinage. Eh ben très bien, bah écoute, on va en parler tout à l'heure Philippe, tu restes bien avec nous là. Et puis j'ai aussi du son bien sûr à vous balancer là ce soir, il y a du lourd. Avec Maître Gims tout à l'heure là. Voilà, et puis si vous voulez écouter du son, vous n'hésitez pas à vous demander hein, bien sûr, le hashtag est Mickaël sur Twitter fonctionne bien entendu. Je vous calerai aussi Robin Tick. Voilà, il y aura aussi Avicii. Et alors un morceau que je sais que vous l'aimez bien, on le mettra tout à l'heure, Martin Garrix. Son que vous avez découvert dans Party Fun, eh ben on aura. Mais il est très très bon, Animals, tout à l'heure, ce sera sur Fun Radio. Et puis bah, son que vous avez découvert dans Party Fun, qui reviendra d'ailleurs tout à l'heure à partir de 23h. Et puis la bonne nouvelle également, c'est que j'ai des cadeaux aussi à vous offrir hein, tout au long de la semaine. Si vous étiez pas là la semaine dernière, eh bien vous avez raté certainement les iPods Nano, vous avez raté les casques de DJ et l'écran plat Full HD LED. Eh ben rassurez-vous, je remets le couvert cette semaine. Voilà, déjà j'ai une bonne nouvelle aussi puisque je vous ai mis en exclu pour le Facebook un iPod Nano aussi à gagner. Donc si vous voulez le gagner dès maintenant, ouais, suffit d'aller faire un like, hein, même pas de SMS à envoyer, d'appels, de trucs payants, rien, c'est gratos. Vous allez sur le Facebook, vous faites un like, on tire au sort à 23h tout à l'heure, enfin en tout cas avant la fin d'émission. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec l'iPod Nano. Ça me paraît à la cool, quoi. Ouais, tu vois, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, je trouve aussi. Ça me paraît pas mal. Mais ça me paraît pas mal du tout. Voilà, facebook.com/michaelofficiel. Vous allez dessus. On vous attend. Tout le monde est là en live. Et bon, compte sur vous, hein, tout simplement. Et puis, on a aussi. Ah oui, oui. Alors, avant de parler avec Jérém, Camille, Philippe et tout le monde, là, est-ce qu'il y en a un qui aurait voulu changer de nom éventuellement? Ouais. Ah oui, ça m'étonne pas. Tu te rappelles comment, toi? Je sais pas, mais autre chose. Tu vois, un truc. Mathurin. Ronald. Hein? Mathurin. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais en fait. Mathurin, ça lui aurait bien été, ouais. Tout sauf mon prénom, quoi. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. Bah, ça va. Bien. Franchement. Hey, t'aurais pu t'appeler Jean-Louis, hein. Ouais, c'est vrai. Non mais ça aurait déjà pu être quoi. Déjà ouais. Pas un prénom composé, je trouve ça horrible. Ouais. Pierre-Christophe. Ouais, non bah déjà c'est Henri-Pierre mon deuxième prénom, donc ça va. Oh putain, il manquait plus que ça, tiens. Christophe Henri-Pierre. Oh merde. Dites-nous aussi vous, les deuxièmes et troisièmes prénoms là, c'est quoi ce soir là? Hashtag et Mickaël, et puis vous mettez ça sur Twitter. Ou alors vous nous envoyez directement les messages par SMS, hein, où vous mettez et Mickaël et puis votre prénom, votre deuxième prénom, etc. Vous envoyez ça au 74-900 pour vos messages, débuté par Mickaël, et pour la Belgique, c'est au 30-44. On attend vos messages. Polo, c'est quoi toi le deuxième prénom? J'ai pas de deuxième prénom. Pas de deuxième Sandro? Non. Maria. Mariam, c'est bien Mariam. Ça va, Mariam. Bah oui. Oh, non, mais quelle horreur. Bah, comment ça, quelle horreur? C'est le prénom maintenant, c'est très bien. Pardon, et puis c'est en... très bon prénom. Par rapport au Portugal, Maria, c'est très bien. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Et toi, Mike? Je vous le donnerai tout à l'heure. Parce que toi, il est bien, je crois. Ah non, moi, il est bien, moi. Ah, je pensais qu'il attends, il est au top. Ah ouais. Non, non, c'est le même prénom qu'un grand animateur radio. Ah ouais, et moi, je le trouve très talentueux, ce monsieur. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Non, mais c'est bon, vrai. Ah non, mais moi j'attends avec impatience. Ouais, bah on le donnera tout à l'heure. Bah, restez bien là. Ouais. Bon, allez, vos deuxièmes prénoms, vous les balancez évidemment, compte sur vous. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait plein de stars en fait qui avaient changé de prénom, notamment Demi Moore, en fait, qui s'appelle en fait Demetria Jenny Guinness. Alors oui, je comprends oui, effectivement qu'il ait changé de nom. Sinon, Dita Von Teese, là, si vous vous souvenez le modèle, en fait, elle s'appelle Heather Renee Sweet. Ah oui. Bah, ah ouais. René, ça passe mal pour une femme. Bah, René, ouais. Et alors, Charlie Sheen, vous connaissez Charlie Sheen évidemment, qui lui s'appelle Carlos Irvin Estevez. Alors, évidemment, ça n'a pas le même cachet, quoi. Ça mais a pas le même cachet. Les noms pourris français passent très bien ouais. Aux États-Unis. C'est vrai, mais ouais, mais ça, bon, ça n'a pas le même cachet, donc voilà. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Et puis, on va se faire la colle du jour aussi tout à l'heure. Et puis, bah, là, on va prendre Camille avec nous là. Allô, Camille? Oui, je suis là. C'est là que je me rends compte que Camille, ça fait vite caca si tu veux l'abréger, ouais, tu ouais. vois. Le diminutif, ouais. Bah, ouais, le diminutif, c'est tendu, Camille. Tu sais comment ça craint, parce que le prénom Camille, la Saint-Camille, c'est le 14 juillet. Et? Eh ben, personne me le souhaite, du coup. Oh, mais de toute façon, genre, moi, personne me souhaite ma ouais, fête. Pas, ouais. Si, quand même. Oh, non, enfin, on s'en fout. Bah non, on s'en fout. Quand même, ça fait chier, parce que sur les calendriers, il y a marqué fête neuf, il n'y a pas marqué Saint-Camille, du coup. Ah oui, oui, mais c'est comme moi, Mickaël, moi, c'est Michel, alors si tu veux... D'où ouais. dans le chéri je peux te faire cocu, il y a le Michel. Tu vois ouais. Ben, c'est un peu un rapport, c'est de là quoi. Que ça devient. C'est de là que ça vient, voilà exactement. Et toi Camille, c'est quoi ton deuxième prénom là, parce que tu fais la maline avec tes jours t'es à ta fête Marie. Mais Marie. Ouais, ouais, ça va Marie. Ouais, ouais. Non Marie c'est bien ouais. Bon ben bon, bah, nous bah, les autres vous nous dites, il y a Thibaut aussi sur le Twitter qui dit Thibaut Jean-Pierre Santo. Allez-vous alors arrêtez de vous plaindre. Ah bah ouais ouais Thibaut Jean-Pierre c'est dur hein. Ben aussi qui dit la honte off, moi perso c'est Benoît Jean-Luc. Je sais c'est pas top. Ah non, Élise ça. Non bah non Élise qui dit Aline Claude. Oh là là Claude, t'imagines t'as la meuf elle était super bien. Et quoi ton deuxième prénom? Je m'appelle Claude. La violence. Anaïs qui dit moi ça va, mon deuxième prénom c'est Laetitia. Ah oh, ça va, c'est bien ça. Ça. C'est bien. Juju qui dit premier prénom Justine, le second c'est Charlotte, le deuxième ça j'aime va. Pas. Bon, ça va encore, ça Charlotte, dépend, ça, ça dépend. Va, ça dépend. Franck et Albert pour Siegfried, il y a Jessica qui dit hello mes petits chéris, bonne émission à tous et gros bisous. Ben merci à toi Jessica, Siegfried aussi qui dit si tu pouvais passer Phil So Close, ça c'est bon. Ah bah pourquoi pas, tiens, tout à l'heure probablement. Et alors Juju aussi qui dit moi c'est Justine, deuxième. Ah bah Charlotte, je l'avais déjà lu, pardon. Et alors Let's Be Freaks il dit moi c'est Virginie Pascal. Ouais, Pascal, c'est vrai que c'est pas non plus le prénom le plus top du top quoi. Mais enfin bon, écoutez, on en parle ce soir, en tout cas rassurez-vous. Camille, tu vas rester avec nous, on va parler donc de l'acné, donc chez ouais. chez les bah ouais, t'as 18 ans toi, t'es une jeune adulte. Oui, voilà, jeune adulte, c'est ça. Parfait. Bah écoute, on va en parler dans un instant, donc tu restes avec nous Camille, d'accord? Ouais, ouais. Bon, et puis on va se mettre Maître Gims dans un instant, t'aimes bien? Ouais, ça va. Bon. Eh ben on va se le mettre dans un instant, puis on aura aussi Carolina Marquez tout à l'heure avec Sing La La La. Allez, soyez les bienvenus sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Dimanche soir, on est là, on est les seuls en direct, alors profitez-en, 20h, 23h, c'est sur Fun que ça se passe. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct. Non, bah ouais, mais j'ai merdé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai foiré. Ça arrive. 01 42 48 5000 en direct dans toute la France sur Fun Radio. Et puis cherchez pas ailleurs. On est les seuls en direct ce soir pour passer du temps avec vous. Bah ouais, le dimanche soir, on est là. Plutôt d'aller faire des barbecues à gauche, à droite. Bah on est là. On est ensemble. Avec plein de cadeaux à gagner tout à l'heure. Les iPod Nano que je vais vous offrir. J'ai les casques de DJ également. Et évidemment, vous pouvez les choper en venant nous rejoindre. Facebook.com. Vous tapez M-I-K-L, espace officiel. Et sur Twitter également, venez nous rejoindre. Là, c'est pareil, vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis sur l'Instagram aussi, là, vous pouvez venir nous rejoindre. C'est M-I-K-L officiel dans les 3K. Voilà, Facebook, Twitter et l'Instagram. On attend évidemment vos messages. On va pouvoir répondre avec plaisir. On parle encore des prénoms un peu chelous ce soir, puisque apparemment, il y a un top 10 des stars qui ont changé de prénom. On en parlera évidemment d'ici quelques instants. Il y a déjà plein de messages qui sont arrivés d'ailleurs hein, sur Facebook et Twitter. Là, Jérémy qui dit mes autres prénoms, c'est Jean, Jacques et Gilles. Oh là là, Jean-Jacques Gilles, c'est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que l'enchaînement, il est pas mal. Il est quand même pas mal. On aura Camille aussi pour l'acné chez les jeunes adultes. On va en parler dans un instant également. Il y aura Philippe qui voulait réagir aussi par rapport au libertinage tout à l'heure. Aurore qui voulait réagir aussi par rapport au premier film de Boule. On en parle juste après le son de Maître Gims maintenant sur Fun. One Shot, bonne soirée. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Ah bah profitez-en justement, tiens, on est là, ça tombe bien, on est les seuls en direct ce soir et ça fait plaisir d'être avec vous jusqu'à 23h sur Fun Radio. Là c'est Mickaël, No Limit, il y a Mickaël, il y a Polo qui est là. Ouais. Voilà, il y a Tov qui est là. Ouais. Eh bah, et comme d'habitude, ouais, il parle sans le micro. Mais ça c'est à chaque fois. Et puis Sandro, bah alors Sandro, elle oublie de l'éteindre le problème. Ouais, elle oublie de l'éteindre et puis elle oublie aussi tout court en fait. C'est-à-dire que ce week-end elle m'envoie un message, bah c'était hier soir. Elle m'envoie un iMessage et elle m'envoie une vidéo. Elle me dit ah regarde, j'étais à Paris plage, tu peux la mettre sur le Facebook. Donc je la mets, mais tu sais, bon, je regarde, ouais c'est rigolo, je la mets, et puis m'envoie un message, tu t'es trompé, c'est pas la bonne. Bah ouais, mais tu m'en envoyais qu'une Sandra. Oui, mais c'est moi qui me suis gouré justement. Donc en fait elle a mis, bah du coup vous avez deux vidéos pour le prix d'une. Voilà, donc si vous voulez aller voir le nouveau son Dance Floor 2013, la nouvelle, c'est le son tchic tchac. Ah ouais, c'est le son tchic tchac, boum boum, tchac tchac, tout ça là. Ah merde, putain, il marche pas. Mais la question, c'est qu'est-elle allée faire à Paris plage? Je suis partie me promener avec son amant. Elle était en lover, en mode loveuse. Un jour. Exactement, donc tchic tchac. Alors ici, c'est voilà, beaucoup de boom boom, de temps en temps un petit peu de tchic tchac. Voilà, donc si vous voulez voir à quoi ressemble le boom boom tchic tchac, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Pareil pour le Twitter, on vous attend d'ailleurs de plus en plus nombreux. Et ben venez nous follower d'ailleurs et je ferai pareil hein. Si vous passez nous voir, si vous demandez, je vous followerai également. Voilà, donc Twitter, tu sais, le mec qui invente des mots. Twitter.com, vous tapez donc M-I-K-L officiel. Et Gwendoline qui dit aussi, moi, mes autres prénoms, c'est Christina, Emily et Hélène. Wendy aussi sur le Twitter là, qui dit, je vois que c'est le deuxième prénom time. Bah oui, exactement, Wendy. Mes parents ont failli mettre Marie-Thérèse en deuxième prénom, la vie de merde. Bah, tu m'étonnes. Bah oui. Marie-Thérèse. Bah, Marie-Thérèse, ça c'est quand même violent, hein. Alors, on parle de ça parce qu'en fait, il y a plein de stars qui ont changé de prénom. Et alors, votre avis, comment s'appelle Maria Carré? Ouais, son prénom. Marie-Thérèse quelque chose. Marie-Thérèse, non. Ça doit être un truc latin. C'est Maria déjà. Ça, ça n'a pas changé. Mais son nom de famille, c'est quoi? Sanchez? Non. Ramirez? Non. Carrera. Non, c'est pas ça. Carrero. Mais il était presque à Sanchez. Il y était presque, mais c'est pas ça. Santiago? Non. Sanchez? Non. Sanchez? Bon, Nunez. Ah, Nunez. Maria, ouais. Nunez. Voilà, ça c'était Maria Carré, donc à la base. Et puis je vous donnerai aussi le son. Le vrai prénom aussi de Sophie Marceau. Ah, vrai nom et vrai prénom, elle s'appelle pas Sophie Marceau en fait. Comment? Ah non. C'est un truc de ouf parce qu'elle s'appelle Sophie mais pas Marceau. Il y a plein de, en fait, c'est même on en parlait, Ashton Kutcher s'appelle pas Ashton. Exactement, il s'appelle pas non plus Ashton Kutcher. Ouais. Voilà. Donc et Jennifer Aniston, je vous donnerai les vrais noms aussi tout à l'heure là. Donc restez bien sur Fun Radio, on en parle dans un instant. Il y a d'ailleurs qui est avec nous du coup? Bah je ne sais pas. Bon, bonjour. Mais voilà. Il y a rien de son prénom, il a pas. Comment tu t'appelles? C'est fait exprès. Je m'appelle Benjamin, donc mon prénom est très bien. Bah, c'est mon deuxième prénom. Attends, parce que l'autre elle dit c'est fait exprès, alors je m'attendais à ce qu'il ait un nom pourri. Benjamin, pourquoi il peut pas s'appeler Benjamin? Pourquoi tu peux pas le mettre dans le standard? Ben, c'est pas ça qu'il a annoncé. C'est quoi alors? Voilà, mon prénom c'est Benjamin, mais mon deuxième prénom c'est Charles Alexandre. Ouh, il est pas mal celui-là. Non, mec, c'est. Attends. C'est un prénom composé. Hein. On va demander l'avis du public. Voilà. Bah, l'avis du public est unanime. Hein. Voilà. Mais alors, comment ça s'est passé? Ah, attends, Yatov, il voulait dire un truc. Voilà. Voilà. Bah, donc, ça, c'est par rapport à ton deuxième prénom. Mais il est bien ton deuxième prénom, hein, c'est la classe. Bah, Charles Alexandre, en fait, c'est composé. Hein. C'est pas Charles et Alexandre. C'est mon deuxième prénom. C'est Charles Alexandre en un mot, quoi. Enfin, prénom composé, mais voilà. Ce soit composé que ça en devient moche, en fait. Ouais, hein. Exactement. Voilà. Ouais. Non, parce que même Charles, à la base, c'est pas terrible. Alexandre, pas de problème, mais Charles, ça fait quand même bizarre. Hein. Moi, je prends la rigolade, mais. Bah, il vaut mieux, à un moment, t'as pas le choix, de toute façon. Oui. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Regarde, Tov, il s'appelle bien, comment encore? Henri Pierre. Henri Pierre. T'imagines? Henri Pierre. Quelle violence. C'est aussi nul que ta gueule. Voilà. Exactement. Tu mérites ces prénoms ringards avec une tête moche comme tu as. Exactement. D'ailleurs, maintenant, c'est d'où ça vient. Excuse-toi. Voilà. Pardon. Merci. C'est parfait. Bon, il y a aussi Jean-Luc là, qui dit moi mon deuxième prénom c'est André et le troisième c'est Serge. Alison qui dit moi mes prénoms c'est Alison, Lydia, Solène et Manuela. Pratique pour remplir la feuille du bac. Bah tu m'étonnes. Et bah l'autre t'as des points directement pour ça. Hein. Tu sais quatre prénoms, tu fais pas de faute dedans. Normalement tu prends le point là. Après c'est pour l'administration, tu vas remplir un truc. En fait ça sert jamais. Tu mets ton nom en entier quoi. Ouais mais moi attends moi je mets toujours mon premier prénom. Je mets pas la totalité. Ça sert à rien. Parfois ils te demandent, t'es obligé. Bon, parfois ils mettent deuxième prénom. Je dis bon j'en ai pas. C'est bon, pas me saouler. D'ailleurs on attend ton deuxième prénom. Oui ben je vais le donner. Mais moi j'ai pas honte. Hein, j'ai pas de problème. C'est Mickaël. Calmez-vous. Exactement. Même sur Twitter tout ça. Voilà. Vous parlez pas comme ça de Mickaël. Exactement. Ouais, c'est quoi, merci ça. Polo. De rien. Voilà. Une augmentation ou comment ça se passe? Faut d'abord qu'ils soient payés une première fois pour avoir une augmentation. Emeline aussi qui dit vous plaignez pas, moi c'est Emeline Michel Odette. Oh, t'as été gâtée, toi. On est pas mal sur Odette moi, là. J'aime bien Odette, c'est pas mal. Ouais, il y a Aurore qui dit moi c'est Aurore, France et Christiane. Oh là là. Moi c'est Jean-René, c'est Arnaud qui avait envoyé le message. Alors Mickaël qui dit moi mon deuxième prénom c'est Moïse. J'arrive pas à ouvrir l'eau mais à ouvrir ma meuf, j'ai aucun problème. D'ailleurs, le prénom Toff vient d'un personnage de dessin animé. Oui. Non, oui, mais bon, enfin non, il vient surtout du fait que tu t'appelles Christophe à la base. Et d'ailleurs, pour faire chier Toff, on l'appellera dorénavant Christophe. Eh hey Christophe, ah, Christophe, je déteste ça. C'est-à-dire que même ma mère ne m'appelle plus comme ça. Christophe. Allez, ce soir, on va essayer. On va l'appeler Christophe, je compte sur vous. Hein. Tous ceux qui passent à l'antenne, ce sera Christophe. Eh hey Christophe. Voilà. Sandro, t'as un truc à demander au mec à côté de toi là? J'ai pas suivi en fait. Ah, on va l'appeler Christophe. Il faut qu'on l'appelle Christophe toute la soirée. Voilà. Ah, c'est horrible. Christophe. Voilà. C'est un truc à lui demander ou pas? Non. Bah, je sais pas. Rien. T'as rien à... Christophe, tu peux me donner du melon? Voilà. Voilà, je compte sur vous pour envoyer Christophe. Hein. N'hésitez pas donc sur le Twitter, le hashtag est Mickaël. Et puis sur les SMS également, là, vous envoyez votre message, vous envoyez est Mickaël au 74 900 ou au 30 44 pour la Belgique. Anaïs aussi qui dit Mickaël, on parle du tien ou pas au lieu de te moquer. Non, mais moi, j'ai pas de problème, je vais en parler, Anaïs, t'inquiète. Jessie aussi qui dit mes prénoms, c'est Adeline Christiane. Ah bah, je l'avais déjà lu, et Odette, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Jérémy qui dit trop heureux de vous retrouver en direct, je n'avais pas pu vous écouter mercredi, les soirées étaient hyper longues sans vous, vous êtes kiffants. Bah merci Jérém, on est là et on est les seuls en direct ce soir d'ailleurs. Bon, Benjamin, tu vois, finalement, il y a pire que toi. Hein. Oui, je vois ça. Voilà. Est-ce que t'as un truc à dire, non pas ni à Polo, ni à Sandro, ni à moi, mais à... Comment il s'appelle déjà? Benjamin. Christophe. Ah, c'est ça, Christophe, voilà, c'est ça. Voilà, t'as un truc à lui dire, non, Rennes? Non, j'espère que vous allez juste mettre trop l'oracle parce que quand même le pauvre. Non, merci, bah oui, le pauvre. Mais attention, Benjamin, il le défend. Et attention, parce que ce soir, j'ai une annonce à faire. Aïe. Alors, vous savez que d'habitude, je dis que c'est... Attends, d'abord musique de l'information. Ouais. L'info, ça c'est de l'autofoot, autant pour moi. Voilà. Exceptionnellement ce soir, parce que c'est dimanche. Pas du tout, on va déjà rentrer à 23h, hein, profites-en. Non, exceptionnellement ce soir, si vous voulez passer une dédicace, je vous laisse deux personnes, votre ami et Christophe. Voilà. Vous avez droit à deux dédicaces ce soir, hein, mais uniquement pour faire la dédicace à Christophe, Ayastoff, pour ceux qui viennent de débarquer. Eh, hey, mais Christophe, bon. Dis-moi, tu peux me rendre mon stylo, s'il te plaît, Christophe? Je m'appelle Robert, arrête. Oh, tu peux l'appeler aussi Pierre-Henri, si tu veux, ça marche aussi. Ah, ouais, hein. Non, c'est Henri-Pierre, voilà. C'est Henri-Pierre, oh, c'est pareil. Je parle verlan, moi, et alors. Bon, Astrid aussi qui dit Christophe, je veux gagner. Maloney aussi qui dit moi, c'est Ronnie, Guy, Renaud, Amandine, Samantha. Là, c'est pas long du tout, c'est ça qui est bien. Oh. Renaud, dit... qu'est-ce que ça foutait de temps, par contre? Bah, je sais pas. Christophe, mort de rire. Jordan aussi qui dit moi, c'est Jordan, Mickaël, Pauline. Oui, c'est bien, Pauline, quand tu t'appelles un mec, c'est cool. Bon, bah, Benjamin, merci à toi d'être passé en tout cas, là. Tu reviens quand tu veux, hein. Ok. Salut à toi, bonne journée. Salut. Bonne soirée, bonne journée. C'est le mec qui commence sa journée à l'envers. Bon, on va faire aussi la colle là ce soir, la colle de ce soir. Eh ben, c'est avec notre ami Hakim. Salut Hakim. Bonjour Mickaël, salut Mickaël. Bonjour Hakim. Salut Hakim. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, est-ce que t'as un truc à dire? Non pas à Polo, non pas à Sandro, ni même à moi, mais aux auditeurs. Non, on s'en fout. Hakim, s'il te plaît. Hakim. Comment il s'appelle l'autre mec qui bosse avec nous là? Pas Polo, pas moi, pas Sandro. Toff. Non. Oh, mais Hakim, quoi. Hakim, tu mérites des claques, Hakim, tu sais ça. T'es conscient de ça? Non. Mets-lui en une. Hein? Tu t'es conscient que tu mérites une claque? Non. Pas. Attends, je vais enlever la musique. Voilà. Non, il fallait, il y a un moment, il fallait te remettre au carreau. Bah oui, mais il fallait. Je veux dire, il y a un moment, je peux pas laisser comme ça. C'est pas possible. Bon, je disais que donc ce soir, on appelait plus Toff, mais on l'appelait Christophe, parce que c'est son vrai prénom. Ah oui, Christophe. Oui. Ah bah oui, ça y est, son prénom est tombé. Bon, Hakim. T'es de retour, toi. T'es déjà passé, toi, pour la colle, me semble-t-il, non? Ouais, je suis déjà passé il y a un petit moment. Ouais, et t'as perdu, hein? Ouais, j'ai perdu. Bah, ça m'étonne pas. Bon, alors, Hakim, c'est quoi ton deuxième prénom, toi? Mon prénom à moi? Non, ton deuxième, le prénom, je l'ai, il est marqué, c'est Hakim. J'ai pas de deuxième prénom. Ah, t'as pas de deuxième prénom. Bon, bah, d'accord, on va t'appeler Christophe. Eh ben, on va t'appeler Christophe également, tiens, c'est parfait. D'accord. Bon, alors, Hakim, quelle est la colle de ce soir pour gagner votre iPod Nano ou pour gagner, eh bien, tout simplement, votre casque DJ, c'est vous qui choisirez. On t'écoute. Alors, pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? C'est ça? C'est ça, ouais. Bon, très bien. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Il suffit simplement, ce soir, on fait par SMS puisque vous avez déjà la possibilité de gagner sur le Facebook votre iPod Nano. Donc là, c'est un deuxième jeu. Vous envoyez la réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 74-900. Ou alors M-I-K-L au 63-22 pour la Belgique. Voilà. Répète la question, Hakim. Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Bon, ben voilà. Si vous voulez gagner votre iPod Nano ou votre casque de DJ, c'est vous qui choisirez l'un ou l'autre. À vous de jouer dès maintenant. Vous inscrivez maintenant, donc, en envoyant M-I-K-L espace la réponse au 74-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Bonne chance, Hakim. Si jamais personne ne trouve, c'est toi qui gagne, hein. Ah, c'est cool, ça. Très bien. Hakim, retends la joue, là, quand même. C'est cool, ça. Non, retends la joue. Voilà, finalement, aïe. Ouais, bah, merci, Hakim. Merci, quel talent de comédien, Hakim. Bon, Hakim, tu restes au standard, on te reprend tout à l'heure, d'accord? D'accord, ok. Bon, bah, salut, Hakim. Et raccroche pas, hein. Et surtout, sûr que tu comprennes tout bien. Raccroche pas, Hakim, hein. Non, je raccroche pas. Bon, parfait, très bien. Alors, des messages de Rémi, notamment, Rémi qui dit, Tof, ça va, Christophe? Bah, il va bien, hein. Cédric qui dit, Christophe, Polo et Mickaël en direct jusqu'à 23h sur Fun Radio, ça déchire tout. Merci, Cédric, effectivement. Et alors, Wendy qui dit, wesh, Christophe, bien ou bien? Bien, t'inquiète. Pépère. Bon bah tant mieux alors, parfait. Bon bah allez, vos messages en direct évidemment, vous les envoyez et vous appelez Sandro au standard, hein, 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. On va reparler avec Camille dans un instant de l'acné là, toujours là Camille, on te reprend juste après le son de Carolina Marquez, d'accord? Ok, ouais, je suis là. Parfait, donc ne bouge pas de là, dis-moi, ne bouge pas de là. Carolina Marquez, c'est maintenant sur Fun Radio, on est les seuls en direct ce dimanche soir, 20h-23h, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 23h, bonne soirée tout le monde. En direct sur Fun Radio, là, tous les soirs, ce soir, on est tranquille, pépère, entre nous, on est les seuls en direct sur Fun, ouais. 20h-23h, donc venez parler avec nous, et puis je vous calerai aussi tout à l'heure, là, Jason Derulo. Voilà, Jason Derulo avec The Other Side. Et puis si vous voulez choisir un autre son là, n'hésitez pas à venir demander, hein. Il suffit de taper le hashtag et Mickaël sur Twitter. Et puis venir nous suivre également. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'iPod Nano à gagner ce soir. Il suffit simplement d'aller liker le post que j'ai mis avec l'iPod Nano et on fera un tirage au sort parmi ceux qui ont liké. Oh, c'est pas plus compliqué que ça. Facebook.com/Mickaël officiel. Vous venez nous rejoindre, évidemment je compte sur vous. Et pareil aussi, bah venez nous rejoindre, hein. On est là ce soir, vous me followez, je vous followerai derrière. Enfin après l'émission, parce que je peux pas le faire en live, mais je vous le ferai promis juste après l'émission. Donc Twitter, hein, vous allez sur Twitter et vous tapez M-I-K-L officiel. Voilà, tout simplement avec deux F. Caroline aussi qui dit, moi mes deux autres prénoms c'est Marie et Henriette. Ouh, sympathique. Juju qui dit Christophe, le prénom ancien Christophoros est formé de Christos, Christ, et de Poros, porté. Ce prénom signifie porte-Christ. Eh ben nous voilà moins cons qu'hier. Merci à toi. Ah bah, je Juju. Me sens très heureux de savoir tout ça. Bah ouais, et il y a un message qui est arrivé par mail qui dit, Benjamin, Charles Alexandre, donc ça c'est l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure, n'arrive pas à la cheville de mon joli Priscilla Raymond Bertha Guilaine. Waouh! Oui, quand même là. Effectivement, là, on a quand même atteint un certain level. Ah bah là, il faut le savoir. Tu hésites avant de sortir ta pièce d'identité. Quoi. Ah là, oui, à là, je fois, confirme. C'est un petit coup de stress. Oui, exactement. Ouais. Bon, et il y a Camille avec nous, là, 18 ans de Bordeaux, là. Allô, Camille? Ah, Camille? Oui. Ah bon, bah, très bien, j'ai eu peur un moment quand t'avais perdu. Alors, Camille Bordelaise, ça va Bordeaux, là? Il a fait beau ce week-end? Oui, c'est super chaud en ce moment. Bien profité. Eh ben. Ouais. Eh ben, très bien. Eh ben, les cannelés. Bon, alors. D'ailleurs, je vous ramènerai des cannelés. Eh ben, écoute, Camille, avec plaisir. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je suis obligé de saluer également cette personne dans l'équipe, n'oublie pas. Ah oui, Christophe. Voilà. Bonjour Christophe, j'espère que Christophe va bien. Eh ben, Christophe va très bien. Voilà. Enfin, je pense. Je sais pas qui vous parlez. Bah, de toi, hein. T'appelles Tof, donc Tof Christophe. Pas du tout. C'est le diminutif de Robert, je l'ai déjà dit. Mais oui, c'est ça. Bon, c'est Camille, alors, toi, on allait parler de boutons, donc d'acné. Donc, toi, t'as 18 ans, et quoi, t'es ravagé, c'est la lune, ouais. Comment ça se passe? Ouais, c'est assez catastrophique. En fait, ça fait depuis que j'ai 11 ans que j'ai de l'acné. D'ailleurs, tu voulais te faire un chiffre et lettre, mais non. Non, d'ailleurs, à l'école, on l'appelle le cratère. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Oh, tu sais, j'ai des surnoms bien pires que ça. Qu'est-ce que t'as eu? Moi, je me souviens, un jour, j'avais eu un surnom parce que j'ai pas eu de bol. Bah, ça arrive, c'est déjà arrivé à plein de gens. Hein. J'ai jamais été trop, j'ai eu la chance de pas avoir trop de boutons. J'en ai eu quelques-uns, tu sais, qui passaient par là, etc. Mais, un jour, j'en ai eu un, mais un putain de bouton, mais sur le pif. C'est le pire, celui-là. Il rouge, était rouge tomate. Oh là là, j'ai pris cher. Autour de la bouche aussi, ils sont pas mal, hein. Mais sur le pif, c'est, ça se voit, c'est autour de la bouche, tu peux encore masquer. Tu peux un petit peu. Tu peux encore voir. Mais, sur le nez, tu peux rien faire. Et ça fait mal. Et en plus, ça fait un mal de chien, là. Et puis, tu sais, quand t'es con, quand t'es jeune, t'arrives, et tu sais, t'essayes de poincer le nez de mec, tu sais, parce que tu sais que ça fait mal. Et tu sais, c'est des vannes de merde, mais tu le fais quand même, quoi. Et donc, toi, Camille, qu'est-ce qu'on t'a déjà, on t'a déjà dit quoi, toi, à propos des boutons? Les gens autour de moi ou oui, par exemple, ouais, tu sais, les jeunes cons. Oui, moi j'ai des surnoms de merde et tout ça, mais bon, enfin, ça c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui est le plus gênant après, c'est que c'est un putain de gros complexe quand on a beaucoup et quand t'arrives à 18 ans, que tu rentres à la fac et tout ça, au bout d'un moment ça fait chier quoi. Ouais, c'est clair. Mais t'as déjà essayé les traitements contre ça? J'ai tout fait, j'ai absolument tout fait. T'as essayé le truc là, le truc violent, ça marche bien, mais c'est dangereux. Alors, enfin, oui, genre, le truc. Comment ça s'appelle encore? Roaccutane, voilà. Justement, c'est de ça que je voulais lui parler parce que moi j'ai vraiment tout essayé. Je suis même allé voir un guérisseur, il m'a donné un coton qu'il avait magnétisé, ça n'a rien fait. Ah, putain, c'est con parce qu'on a un marabout là, on l'a vu la semaine dernière. Oui, on peut peut-être l'appeler là, si tu veux éventuellement un conseil là, on sait jamais. Ouais, je sais pas, il avait l'air un peu. Parce qu'on avait perdu notre chat avec Sandro là, alors du coup on l'a appelé, il nous l'a retrouvé la semaine dernière. Non, mais c'est vrai quand même, c'était beau. Ouais, on peut essayer, je suis tellement désolée. Espérer, peut-être que ça marchera. Écoute, pourquoi pas. Bon, et donc du coup, tes boutons, t'as essayé le Roaccutane, toi? Donc non, moi j'ai pas encore essayé. C'est pas en été parce que avec le soleil c'est pas compatible. Ah, il faut pas non. Mais voilà, mais normalement là, dès que le soleil va un peu partir, je vais commencer. Et justement, comme je sais que c'est assez violent, je voulais savoir. Pas violent, c'est-à-dire que non, pour le coup, je l'ai essayé, donc je peux te dire après s'il y en a d'autres, des garçons, il y a pas longtemps, quand j'étais jeune, il y a 2 ans, maximum. Ouais. Et donc du coup, j'avais eu l'occasion d'essayer aussi. C'est vrai que ça assèche la peau, donc tu es obligé d'avoir ton labello, tout le bordel, parce que c'est vrai que au niveau des lèvres. La peau, c'est rien. Enfin, moi, j'ai vu des filles, ça saignait du nez, elles avaient de l'eczéma sur les. Ouais, ça dépend. Ah ouais. Mais c'est ouais. Après, c'est ça dépend de la dose. Non, mais ça peut être très très bien. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir un dermato parce qu'ils vont te donner les doses, tu vois. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était 10 mg, 20, 30, etc. Mais voilà, il faut commencer petit à petit, puis tu vois jusqu'où ça va. À partir de quel moment, en fait, ça s'en va. Après, c'est pas la peine de mettre des doses pour chevaux, quoi, tu vois. Ouais. Bah, c'est après, voilà. Mais si vous avez testé le Roaccutane ou d'autres solutions, là, contre l'acné, justement. Oui, quand t'arrives à 18 ans et que t'as de l'acné depuis quand même plus de 5 ans, je pense que à part ça, franchement, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse marcher. Non, mais faut voir. Je vais peut-être le faire moi bientôt. Mais qu'est-ce que t'as 30 balais, toi, Sandro, t'es sérieuse? Ouais, je te jure. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut, Christophe? Mais elle a raison. Il me parle en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Camille? Mais je dis, faut essayer, y a pas d'air. Non, je dis pas qu'il y a. Mais de toute façon, allez voir votre dermato. Enfin, déjà c'est sur ordonnance, mais je veux dire, ne faites pas n'importe quoi. Hein. C'est quand même un médicament assez violent quand même malgré tout. Mais il va te faire un, parce que justement, moi j'ai un traitement avant le Roaccutane, il m'a filé. Le caca de rossignol, oui, c'est Steven qui proposait ça sur Twitter. Effectivement, on a essayé ça la semaine dernière. Il y a la vidéo d'ailleurs sur le Facebook. Vous pouvez toujours aller voir. Il m'a filé un traitement en fait, dernier recours avant le Roaccutane. Du coup là, je fais ce traitement là. Et si ce traitement là ne marche pas, et ben je vais être obligée de faire Roaccutane. Sandro, elle aura plus de boutons quand elle aura 65 ans. Tu sais ce qu'il m'a dit, le mec? Je savais pas. Hein. Il m'a dit que ça peut être. Dû à la bouffe, mais ça c'est sûr. Hormonal et tout. Non, ça peut être des problèmes dans ta famille en fait. Ah, c'est possible, Des antécédents dans ta famille. Et il disait qu'il y en a toute leur vie. Ils l'ont, même s'ils font Roaccutane, ils seront obligés de le refaire régulièrement. C'est possible. C'est ça qui me fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais, même après Roaccutane. Il y a Let's Be Freaks qui dit aussi attention, Roaccutane et pilules c'est incompatible. Oui, ça c'est vrai. Oui, je sais. Il y a Jonathan aussi qui dit sur Twitter, le Roaccutane a fonctionné du tonnerre pour moi, un produit miracle. Bah effectivement, ça peut l'être si vous êtes suivi. Et alors Élise aussi qui dit moi, le Roaccutane ça a changé ma vie. Bon, en tout cas, on en parle dans un instant. Tu restes avec nous, Camille. Michael. Oui, Camille. Camille. Il y avait pas que de ça que je voulais parler. Eh ben, tu vas nous en parler dans un instant. Tu vas rester là? Ouais, ok, bon. Parfait. Ne bouge pas de là, on revient dans un instant, Camille. Bah oui, mais j'ai la pub à mettre, sinon après la radio elle va gueuler, il y a pas assez d'argent, enfin l'histoire, tu vois. Donc bouge pas de là, Camille, d'accord? D'accord. Bon, okay. Et promis, Philippe, on te reproche après la pub également, là, tu voulais parler de libertinage, là, de Perpignan, d'accord, Philippe? Ok. Bon, allez, ne bouge pas de là, promis, on te reprend dans un instant. On va récupérer également dans quelques instants notre ami Hakim là pour la colle du jour. Et puis je vous rappelle qu'il y a évidemment toujours l'iPod Nano à gagner sur le Facebook si vous voulez tenter votre chance. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, sinon tout simplement venir liker le Facebook. Voilà, vous faites un like là où il y a la photo de l'iPod Nano. Et si vous êtes tiré au sort avant 23h, je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. Facebook.com/MIKL officiel. Venez nous rejoindre également sur Facebook et sur Twitter et Instagram, pardon. Vous mettez MIKL officiel, vous me faites un petit follow sur le Twitter et puis je ferai pareil dans l'autre sens. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est MIKL No Limit. On est les seuls à être en direct ce soir, alors restez bien là. Et puis je vous cale comme promis, le son de Jason Derulo, ce sera dans un instant sur Fun Radio. Allez, restez là, c'est dimanche soir, c'est MIKL No Limit. La bonne fin de vacances tout le monde si vous êtes sur le retour. Et puis bonne vacances pour tous ceux qui sont en train de nous écouter depuis le bord de la piscine ou le bord de la plage. MIKL, appelez MIKL. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. MIKL. Attendez la suite. MIKL, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. Allez, vos messages en direct évidemment qui arrivent au 01 42 48 5000. Et puis Hakim là pour la colle de soir. Allo Hakim. Oui, MIKL. Oui, allo Hakim. C'est toujours là, MIKL. Bon, vite fait, rappelle la colle là, de ce soir là. Alors, pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a des iPod Nano à gagner. Il y a également des casques de DJ. Il suffit simplement d'envoyer la réponse en débutant le message par MIKL. L, les 4 lettres, espace la réponse. Pourquoi donc jette-t-on des sous dans la mer? C'est bien ça? C'est ça, MIKL. Parfait. Bon, bah, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez votre réponse. Vous mettez MIKL et la réponse et vous envoyez le tout au 74-900. Bon, on te reprend tout à l'heure, Hakim, d'accord? Tout à l'heure, MIKL. Bon, bah, parfait. On parlera encore des prénoms dans un instant avec Barbara, qui est là. Barbara! Salut! Bon, salut Barbara! Salut. Alors, salut. T'appelles de Saint-Gaudens, on va parler des prénoms dans un instant avec toi, tu restes avec nous? Quoi? Je dis, bah. Tu peux faire un gros bisou à Christophe? Mais bien sûr! Mais écoute, bien sûr, puisque tu insistes. Je sais pas qui c'est, mais tu peux l'embrasser très mais fort. Mais c'est Barbara, 30 ans! Je peux en faire trois? Barbara, combien tu mesures? Non, attends, tu vas faire ça dans un instant, Barbara, on a pas le temps là, ne bouge pas de là. Allez, bougez pas justement sur Fun Radio, on s'envoyer le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio. The Other Side. Et Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec The Other Side. Restez sur Fun Radio, je vous cale dans un instant. Muttonheads sur Fun Radio, vous l'aviez demandé là, j'ai vu quelques messages passer sur le Twitter. Alors c'est parti, on va le mettre. Muttonheads avec Snow White. Et puis avant 22h, je vous calerai aussi Robin Thicke. Ah, vous avez dansé tout l'été là-dessus, hein? Oui. Même Christophe, il a dansé tout l'été dessus, non? Pas du tout. Ah. Je ne sais pas. Il a bougé son petit corps, oui, Christophe, là. Évidemment. Il bon. S'est secoué à droite, à gauche, là. Plein de messages et plein de nouveaux qui viennent de débarquer sur Twitter. Je vous avais promis de vous follower également si vous le faisiez chez nous. C'est parfait. Hein. Donc je l'ai déjà fait avec Walid qui vient d'arriver, avec Lily, Justine. Il y avait aussi Calisto, là, Anaïs. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Benjamin, Julien, Man qui viennent de débarquer. Bon, les autres, rassurez-vous, je fais ça au fur et à mesure. Mais j'en ferai une grosse chier ce soir après l'émission quand on aura un petit peu plus de temps parce que voilà, c'est un petit peu plus compliqué évidemment. Mais rassurez-vous, je n'ai qu'une parole. Je ferai ça tout à l'heure. Jonathan qui dit peut-on passer appeler la ligne entière pour saluer Christophe, mais avec plaisir Jonathan, surtout n'hésite pas à entendre les deuxièmes prénoms assez incroyables de certains auditeurs. Je me prends un panard, pas possible. C'est Nicolas qui a envoyé le message et Emeline qui dit MIKL No Limit, coucou à toute l'équipe, je vous adore, souhaitez-moi bonne chance pour mon permis demain, je stresse trop, bisous. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bonne chance. Mais bah, oui. qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Au pire, l'examinateur te fait des avances, rien de grave. Ouais, et puis au pire un petit accrochage, un dérapage, un accident, voilà. six mois d'hôpital, enfin rien de grave. Rien de grave, bravo Christophe. Mais oui, voilà, c'est ça. Bon, alors retour avec Philippe avant de prendre Camille dans un instant là pour les problèmes de peau. Philippe, allô, 24 ans de Perpignan. Oui. Bonjour. Je tiens à saluer Christophe déjà. D'abord. Je ne sais pas de qui tu parles. Eh ben Philippe et Barbara qu'on a dit tout à l'heure, vous ne bougerez pas, vous repartirez avec un cadeau. Ok. Évidemment, et pas de problème. Il y a des compiles et des places de ciné également, vous gérerez ça avec Sandro. Bon, alors, Philippe, tu voulais parler de libertinage. Oui, parce qu'en fait, c'est un monde que j'aime bien en fait, parce que bon, on va dire que. J'ai côtoyé quelques clubs échangistes. Ok. Bon, après je suis pas hyper expérimenté, mais bon, j'ai fait quelques rencontres, j'ai eu quelques rapports avec quelques femmes. Ouais, c'est ça. Non, non, à trois, déjà, bon, oui, avec quelques femmes. Après, ça a été des expériences à trois. Et après, éventuellement, après, j'ai fait des, je suis rentré en club. Ok. Et j'ai passé des bons moments, quoi. Mais ouais, c'est le libertinage, c'est beaucoup de respect. C'est vraiment un... Bah moi j'ai eu le truc du... Attends, c'était quoi l'émission qui était passée sur M6 encore là aussi sur les trucs plusieurs trucs improbables dans une espèce de ferme là. Ah la fustinière, mais ça n'a rien à voir. Rien bah à c'est aussi un truc où t'arrives liberté. Bon c'est pas libertinage, mais c'est... Non mais c'est quand il a dit libertinage, c'est beaucoup de respect. Et puis en fait je suis arrivé avec la fustinière qui était devant ma tronche. Non, là, je me suis dit, C'était autre chose. Mais oui, c'est un autre level, ça tu peux pas. Ouais, c'est un autre level. Ah oui, je me demandais ce que c'était. Bah c'est ça, mais c'est passé sur M6, attention. Hein. C'est vrai. Eh oh, on s'est passé sur M6, tu sais, ça n'a rien dit. Hein. Enfin, pas que je sache en tout cas. Mais on aura l'occasion, on en reparlera tout à l'heure. Si vous voulez, si vous avez vu l'émission là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et donc toi, Philippe, tu pratiques ça depuis combien de temps? Moi, on va dire que quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais 18 ans, déjà au début, je commençais sur des chats. Des chats normales, c'est-à-dire où on rencontre des gens et tout ça et tout. Et au début, bon, comme j'étais puceau, moi, je cherchais des relations vite fait, quoi. J'essayais d'avoir ma première expérience et tout. Mais t'as pas essayé après, directement de commencer par chercher une meuf normale, enfin tu vois, genre basique. Déjà, on va dire que déjà j'avais du mal à trouver une copine. Donc déjà, je me suis dit, bon, je vais aller sur le chat, on va essayer de voir si je peux faire une bonne rencontre pour m'amuser un peu. Ouais. Bon, déjà, après, tu vas aller sur chat roulette. C'est ça, ouais. Non, non, c'était au début chat.com, une connerie comme ça, quoi. C'était une chat basique. On voit même pas le visage. D'accord, ok. La conversation. Ouais, parce que tu sais que multiplier les partenaires, alors c'est une étude américaine hein, qui a fait cette étude là apparemment, donc ça rendrait anxieux et dépressif, voilà. Ben à mon avis vous avez pas tort, parce que bon, c'est vrai que je suis souvent tu te sens seul, quoi. Bah ouais, parce qu'au final finalement t'aimes bien au début pas avoir d'attache, mais sur le long terme tu te fais chier, quoi. On peut demander à Christophe, pardon, excusez-moi, parce que lui c'est totalement son mode de vie, ça, prendre les meufs, les jeter comme des merdes dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais. Bah non, je les garde un peu quand même. Ouais, un peu vite fait pour faire à manger ou voilà, trucs, quoi. Le ménage surtout. Oui, voilà, c'est ça. N'oubliez pas qu'il se fait oublier en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il se fait oublier. Et tu dis Philippe? Ah, c'est vrai qu'on n'est pas forcément heureux à multiplier les partenaires à droite et à gauche. Oui, c'est vrai. Non, après, vaut mieux avoir une partenaire et partager des choses avec elle, quoi, on va dire. Et Sandro, a déjà fait du libertinage, non? J'ai vu ça sur Twitter. Non, on a été une fois, ouais, tu te rappelles pas? Ouais, on était dans un club. On a été dans un club une fois. On a été combien dans avec un club? Avec toi, Mike. Hein. Ah bon? Je sais pas. Ben oui. Tu te souviens pas avec la dame sur le bar? Réfléchis bien. Ah, où il y a une porte bizarre là-dedans. Ouais. Oui. Ah ouais. Si, je me souviens. J'avais essayé de d'effacer ça de ma mémoire, ça a pas bien marché apparemment là. Faudrait que je fasse autre chose. Et donc Philippe, toi tu voulais simplement dire que le libertinage c'était cool et que t'aimais bien en gros. Ouais, j'aimais bien, mais on va dire que bon, à partir d'un moment, c'est mieux, comment dire, de partager ça avec une personne, parce que on va dire que l'amour de nos jours c'est pas évident, on va dire, la fidélité, rien que la fidélité déjà. C'est bah non, bah pourquoi c'est pas évident? Bah si, c'est facile, non, la fidélité. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, la fidélité, c'est une question de confiance, on va dire. Bah oui, bah bien sûr, c'est une question de confiance. Bonne, ouais. Mais voilà, ça, tu peux pas avoir confiance en ta meuf en un jour, quoi. Tu vois, faut que ça se fasse avec sur le long terme. Et puis, il faut avoir confiance en toi, parce que si toi t'es persuadé que la meuf va aller voir ailleurs parce qu'elle trouvera mieux, puisque toi t'es une sous-merde, bah forcément, ça marchera pas. Hein. Si tu restes persuadé que t'es pas bien, évidemment, ça n'ira pas. Philippe, reste là. On va demander l'avis des filles aussi dans un instant. Là, est-ce que le libertinage, vous connaissez, vous avez déjà essayé, vous aimez, vous n'aimez pas? Venez nous en parler. 01 42 48 5000. Vous êtes chez vous ici tous les soirs sur Fun Radio, et 02 851 4x0 pour la Belgique. On peut te reprendre jusqu'à quelle heure, Philippe? Apparemment tu taffes ce soir. 21h30 à peu près. Ah bah parfait, bon, on te reprend, Philippe, bouge pas, d'accord? Ok, ça marche. Bon bah bouge pas de là, Philippe. On va reprendre aussi dans quelques instants Hakim là avec sa colle, évidemment. Mais avant cela, évidemment, nous allons récupérer Camille avec ses problèmes de boutons. Il y avait aussi Karim là qui était là de Lyon. Là. Salut Karim. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va, tu vois, ça va. Bon, bah, salut à toi, Karim. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Et ouais, merci. Salut à Christophe, au fait. Hein. Ah, bah, très bien. Parfait. Donc je rappelle que depuis ce soir, parce qu'on parlait des deuxièmes prénoms de tout le monde et que bah on s'est rendu compte que Toff en fait s'appelait Henri-Pierre, et que surtout son vrai prénom n'était pas Toff mais bien Christophe, ouais. Et comme il déteste ça, eh bien je comptais sur vous bien sûr pour le saluer. Et d'ailleurs, tous ceux qui passent à l'antenne ce soir qui veulent faire une dédicace, d'habitude c'est limité à une seule personne, vous avez exceptionnellement le droit de saluer deux personnes, Christophe et quelqu'un d'autre. Voilà. Non mais ne me remerciez pas. Cadeau, merci Mickaël. Ne me remerciez pas, ma bonté n'a pas de limite. C'est sympa que tous les gens puissent saluer un mec qui s'appelle Christophe que je connais pas. Mais ouais, mais nous on le connaît bien, c'est marrant. Ah trop même. Ah ouais. Ouais. Et y a Emeline qui dit Mickaël, merci à tous, je vous tiens au courant, la continue comme ça, vous êtes géniaux. Ah oui, pour le permis, bah t'as intérêt à rassurer Emeline, on compte sur toi. Y a aussi un message de Gabou qui dit il faut qu'il boive de l'extrait de pépins de pamplemousse, ça a plein de vertus, ça marchera peut-être pour l'acné. Oui, peut-être. Et Karim, qu'est-ce que tu as comme conseil toi à donner là? Alors, je voulais parler du traitement en premier temps qu'on lui a proposé. Ouais. C'est quoi le nom déjà? Parce que Roaccutane. Voilà. Et ben, on me l'a proposé aussi. Mon dermatologue l'a proposé. Bon, il m'avait bien expliqué que c'était un médicament qui était, enfin, assez sévère. Donc, en fin de compte, j'ai fait tous les tests nécessaires. Je l'ai pris. Puis j'ai eu un assèchement des yeux, en fait. Ouais, mais ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Moi, j'ai eu ça au niveau des lèvres, donc du coup, je devais prendre le labello tout le temps. Mais c'est vrai que ça peut arriver au niveau des yeux, ouais. Et donc, attends, du coup, t'as fait quoi, toi? J'ai dû atterrir d'urgence chez un ophtalmologue à l'hôpital. Ouais. Et on m'a fait plein d'injections, plein de produits. Et en fin de compte, j'ai arrêté le Roaccutane. Et oui, c'est mieux. Après, il fallait aussi. Puis après, j'ai suivi des conseils de grand-mère. Alors, il y en a un qui m'a fasciné, c'est le savon noir. Le savon noir, c'est un savon tout bête, on s'en met tout simplement, puis après il faut appliquer des tranches de tomates sur le visage et franchement au bout de 2-3 mois c'est passé nickel. Uh-huh. J'avais pratiquement plus rien, c'était mortel. Ah ouais. À quel moment tu t'es dit en te mettant des tomates sur la tête, ça va marcher? Ouais, mais après ouais c'est sûr, sur le coup j'avoue que la première fois je l'ai pas essayé, mais bon j'étais vraiment au bout parce que moi j'avais beaucoup d'acné, puis en fin de compte un jour j'ai essayé. Mais c'est passé vraiment nickel. En plus, ça soulage. Enfin, c'est mortel. Franchement. D'accord. Bon, à essayer en tout cas, Camille. Et tomates. T'as pris note. J'avais essayé les œufs. T'as essayé les œufs? Ouais, le blanc. Les œufs, j'ai. Ah, les blancs d'œufs sur la peau. Et alors, ça a donné quoi? Mais c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Mais je pense, ça adoucit la peau et tout. Mais je pense que je suis persuadée qu'à un niveau d'acné. Pareil, on peut faire les trucs de grand-mère, ça suffira pas quoi. Moi peut-être, ouais. Tu peux essayer les escargots, sinon hein, c'est pas mal. Hein. Oui, ou alors oui, on l'avait essayé aussi, le caca de rossignol, on l'avait essayé la semaine dernière. Je voulais faire ce genre d'expérience. Mais tu vois, on te donne des solutions, après t'en veux pas. Oui, moi je propose que tu combines. C'est trop aimable. Hein. Hein, bah oui, mais tu sais, on a le mal sur le cœur, t'inquiète pas. Il y a Christopher aussi sur le Twitter qui dit dédicace à Christophe qui s'appelle presque comme moi. T'as vu, hein, pas mal. Et puis Ben aussi sur le Twitter qui dit je souhaite passer une grosse dédicace à Christophe également. Bah merci pour vos messages. T'as vu un peu quelle chance il a. Ouais. Bon, merci Karim en tout cas d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Et pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Eh ben, nous aussi, Karim, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Il n'y a pas de problème. Et n'oublie pas de prévenir tes potes, hein, qu'on est là tous les soirs, de 20h à 23h. Pas de problème. Salut. Salut à Christophe. Ah ben voilà, très bien. Salut à toi, Karim. Et reste là, on va te filer des places de ciné. Là, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Eh ben super, je vous remercie franchement. Salut Karim, ciao à toi, bye bye. Et on va prendre Barbara là maintenant, la Barbara qui est avec nous de Saint-Gaudens là. Allô Barbara. Allô. Allô Barbara. Alors Barbara qui nous appelait par rapport au prénom. Prénom. Comment tu t'appelles toi? En fait mon premier prénom c'est Berlise, mais vu que personne ne vous retient jamais, je suis obligée d'utiliser Barbara. D'accord. Tu t'appelles comment? Berlise. Berlise. Mais tes parents, ils ont trouvé ça comment, Berlise? C'est le prénom d'une ex à mon père. Ah, c'est une ex à ton père? En fait, l'affront suprême à la daronne, il t'appelle comme la maîtresse. Oh là là, c'est bon ça. Et ton deuxième prénom, c'est quoi? Barbara. C'est trop vieux, mais au moins, on s'en rappelle tout le temps. Ah d'accord, je croyais que t'avais transformé ton premier prénom en Barbara parce que c'était plus facile. Oh bah ça va, Barbara, c'est bien encore. Ouais, c'est bien, on peut. Oh non, ça va, t'aurais voulu t'appeler comment, toi? Christophe? Tu aurais voulu t'appeler Christophe, mais ma foi, écoute, pourquoi pas. Bah, écoute, franchement, c'est un nom de merde. Mais écoute, c'est comme tu veux, hein, comme tu veux. Bon, et sinon, parce qu'à la base, on parlait de ça par rapport aux stars qui elles changent de prénom. Et donc, j'étais tombé sur le nom de Sophie Marceau. Tu sais comment elle s'appelle en vrai, toi? Sophie? Ouais, son prénom, ouais, mais son nom de famille? C'est pas Marceau. Ah non, c'est pas Marceau, ça c'est un nom d'emprunt. Son vrai nom de famille, c'est Maupu. Ah, bah oui, je comprends. Voilà, Sophie Maupu. Ah, oui. Bah après bon sur le long terme Sophie Maupu pourquoi pas. Alors sinon Jennifer Aniston également. Alors Ah putain, là, par contre, elle a bien fait de changer. Hein. Alors, Jennifer Aniston, son vrai nom de famille, c'est Jennifer Anastasakis. Ah oui, oui. Anastar quoi ? Anastasakis. Et alors, pour la petite info, elle est liée au... Je sais pas si vous vous souvenez de l'acteur Kojak ? Non. Et ouais. Ils sont de la même famille, c'est son oncle ou un truc comme ça. Ah ouais. D'accord. Bon, ben voilà, donc Jennifer Aniston, c'est quand même vachement plus sexy que Anastasakis. Ouais. Tu vois, elle c'est quand même... Elle a dû faire le changer. Bah, c'est surtout plus compliqué à dire, effectivement. Ouais. Bah, merci en tout cas, Barbara, d'être passée. Là, tu restes à l'écoute de Fun Radio et puis tu reviens quand tu veux. T'es chez toi ici, Barbara. Tu peux refaire un bisou à Christophe ? Mais évidemment, avec la langue, sûr. Seulement avec la langue, Barbara. Voilà, il n'y a pas de problème, écoute. J'étais coupé dans mon élan, Barbara, oui, combien mesures-tu ? 1m64. Combien pèses-tu ? 50. Quel est ton tour de poitrine ? 95, c'est. Ah oui, c'est comme c'est grand. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? Ou comme Christophe ? Oui. 34. 34, tu peux m'appeler Christophe autant que tu veux. Ouais, c'est ça. Bon, bah, très bien, bah, le message est passé en tout cas. Bon, ben bah, salut à toi, je te fais des gros bisous, Barbara, à bientôt. Moi aussi, à bientôt, ciao. Allez, salut, puis n'oubliez pas, ce soir, on est les seuls en direct avec vous pour vous accompagner jusqu'à 23h. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, évidemment. 01 42 48 5000 si vous voulez nous parler, n'hésitez pas. Vous appelez pour soit réagir au à l'acné avec Camille, soit pour réagir au libertinage avec Philippe, soit même pour rapport au film de boule. À quel âge vous avez regardé votre premier film de boule, puisque c'est un article qui est sorti sur internet qui dit qu'à 12 ans c'est la moyenne pour le premier film porno. Donc voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. On aura d'ailleurs un sujet horreur dans quelques instants pour en parler. Et puis avant de se faire la pause et de s'écouter Robin Thicke dans un instant également, ou encore Muttonheads, on a Camille avec nous de nouveau. Camille qui voulait parler de l'acné, on en a déjà parlé, mais qui voulait nous parler d'un truc en plus. Camille, c'est ça? Oui, voilà. Alors c'est quoi? En fait, c'est pareil, c'est aussi sur l'acné, hein, mais c'est en fait moi, vu que je suis gavée complexée par ça. Toujours en train de faire chier tout le monde, enfin toutes mes amies, pour toujours en train de demander ah ça se voit pas machin. Et en fait, moi je voulais savoir ce que pensent les gens quand ils voient des gens qui ont de l'acné. Est-ce que ça les dégoûte? Est-ce que ça passe vraiment leur ce qu'ils en pensent, et si ça les dégoûte par exemple de faire la bise à quelqu'un qui a de l'acné ou quelque chose comme ça. D'accord, bah écoute, on va en parler dans un instant, Camille. On bouge pas de là, d'accord? Voilà. Bon bah très bien, bah reste avec nous. On aura aussi dans un instant là. T'as écouté la semaine dernière Camille, chérie, je peux te faire cocu? Ouais, j'en ai pas raté un. Ah bah non, comment t'expliquer qu'il était juste magnifique, magistral, ouais, celui de la semaine dernière. Et on va se le remettre dans un instant là pour ceux qui étaient pas là justement. Donc reste avec nous Camille, puis on va aussi comme promis écouter le son de Muttonheads. Avec Snow White, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. On continue à parler des deuxièmes prénoms, là. Balancez-nous vos deuxièmes prénoms, évidemment, sur le Facebook et sur les SMS, au 74 900 et au 3044 pour la Belgique. Vous débutez le message par Mickaël, évidemment. Et puis, on revient dans un instant sur Fun Radio avec les cadeaux. Et puis, avec vous toutes et vous tous, en direct jusqu'à 23h. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit, la seule émission de Libre Antenne en direct jusqu'à 23h dimanche soir. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Shadows. Écoutez, ça va, hein. Peut pas être partout. Je peux pas être sur le Twitter en train de faire venir tout le monde là, de liker tout le monde aussi, hein, et Twitter et Facebook, là venez nous rejoindre, je le rappelle. Si vous venez nous faire un petit follow sur Twitter, je ferai pareil dans l'autre sens. Donc twitter.com, vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre avec plaisir. Et je compte sur vous surtout. J'ai eu une petite goutte là qui a coulé de transpiration là. Il fait trop chaud dans ce studio. Ah bah, trop, beaucoup trop chaud là. Bah, on peut augmenter la clim si tu veux. C'est une idée. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Allez-y, profitez. On est là en direct avec vous jusqu'à 23h sur Fun Radio, en direct partout en France. Il y a aussi Hakim qu'on va récupérer dans un instant là pour la petite colle de ce soir pour gagner votre iPod Nano ou votre casque de DJ. Camille, Philippe et Aurore qui sont dans le standard et qu'on va prendre d'ici quelques instants sur Fun Radio. En attendant, évidemment, je vous avais promis le son de Robin Thicke. C'est ce qui arrivera tout à l'heure, hein. Robin Thicke avec Blur Red Lines. Et puis Snow White, maintenant c'est Muttonheads. C'est Fun Radio avec le son de Muttonheads à l'instant. C'était Snow White. Allez, bonne soirée tout le monde. On est en direct sur Fun Radio là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Exactement, vous envoyez vos messages évidemment. Vous débutez le message évidemment par M-I-K-L. Et puis il y a aussi DJ Kylian sur le Twitter qui dit je passe une bonne soirée. Bah tant mieux, écoute Kylian, hein, nous aussi on peut te rendre service. Il y a Blondine aussi sur le Twitter qui dit je connais quelqu'un qui s'appelle Atlantide, la pauvre gamine. Ah oui, Atlantide c'est dur, effectivement ouais. Et alors il y a aussi Big Up Cricri et un gros bibi sur la fesse droite. C'est Kevin de Marcilla qui avait envoyé le message. Qui a aussi qui dit j'ai pas de deuxième prénom, mais mon prénom c'est Lioubov qui veut dire amour. Oh, oh c'est mignon beau. Mais oui. Et alors Ben qui dit il fait chaud, un petit mojito passerait bien là. Salut Christophe. Ah bah je te confirme Ben qui passerait très très bien le petit mojito. Si seulement on en avait un. Ah oui. Ouais, ça serait pas mal ça. Ça manque d'un barman ici. Bah hein. Ouais, ça manque. Pourtant on a le bar, hein. On a le bar ouais. Mais il est vide et il y a pas de barman, c'est surtout ça le problème. Élise aussi qui dit il y avait un truc au lycée avec moi, c'était Diego, Kevin. Attends, c'est quoi? Diego, Kevin, Galad, Amour, Guevara. Et je crois qu'il y en avait encore après. C'est oui, chaud. Bah, c'est pas mal aussi. Peux-tu dire à Sandro de parler moins fort, on entend on entend qu'elle est au téléphone. En plus, on l'entend rire. Elle travaille ou pas? C'est Jérémy du 9-3 qui a envoyé le message. Mais non, elle travaille pas, avec ce que tu crois, c'est évidemment. Vous, quand vous m'appelez, vous me elle faites rire ne aussi, fout rien de rien. Voilà, absolument rien. Bon, le retour d'Hakim dans un instant pour repartir avec votre cadeau. Ce sera avec la colle. Avant ça, on a Aurore avec nous de Vendée. Bonsoir, Aurore. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Christophe. Comment vas-tu? Oui, bonsoir, Aurore. Mais oui, Christophe te... Salut. Salut. Voilà. Christophe. C'est pas mal. Bon alors Aurore, toi tu voulais réagir par rapport à cette actu qu'on est, sur laquelle on est tombé tout à l'heure là. Apparemment les premiers mecs quand ils regardent leur film de boule, c'est à 12 ans. Et donc ça m'avait quand même perturbé, je me suis dit putain 12 ans c'est quand même tôt. Et donc toi c'est à quel âge Aurore? À 15 ans, enfin les films hétéro à 15 ans et les films homo à 18 ans. Ah ouais, toi t'as... D'accord. Ok, pourquoi pas, mais t'es gay? Je suis bisexuelle. D'accord. Ah bah mais ouais, non, en alors fait, d'accord. Les homos, c'est les mecs entre eux, quoi. Oui, ah, oui, ok, d'accord. Tu vois, moi, j'ai beaucoup moins de problèmes à regarder effectivement deux meufs entre elles que deux mecs entre eux. Après, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est juste que esthétiquement, et ça reste mon avis, un homme est moche. Non, mais c'est vrai. C'est surtout le truc qui pend, quoi. Le non, mais tout, pas, tout, pas, tout, pas, tout. Je trouve. Je trouve ça, à regarder. Oh, le zboub, là, c'est pas possible. À regarder un homme, ça reste moche, je trouve. Mais ça, c'est qu'au début du film, après, ça remonte, hein. Bah, Christophe, ouais, merci, ça va pas, ou quoi. Ouais, merci, Christophe, effectivement. Ouais, je vous en prie. Bon, et toi, tes parents sont jamais tombés dessus, t'as toujours été discrète? En fait, si, déjà, ma mère, un jour, est tombée dessus, j'étais en train de me, bah, voilà, quoi. Ouais, ouais. Et ma mère est montée, sans frapper, et elle a vu. Horreur! J'ai une tape, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'avais ramené un chocolat et des gâteaux. Espèce de dévergondé sous le toit familial. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah elle a rien dit, elle s'est cassée. Ouais, bah c'est la meilleure chose à faire encore, hein, je pense. Hein. Mais de toute façon, je m'en fous parce que maintenant j'ai mon appartement, alors voilà. Oui, non, bah maintenant oui, mais enfin à l'époque, à 15 piges, si tu veux, il y avait encore un petit peu de temps. On sait jamais que le voisin rentre comme ça, elle ouvre la porte. Elle a remarqué que je regardais des films de cul quand j'avais 16 ans. Ah ouais, bah, faut y rester quand même encore deux ans à tirer, cela dit, hein. Mais quel est le but? Parce qu'en fait, un homme, moi, je comprends. Mais pourquoi tu regardais ça, toi? Quel est bah, une fille, comment ça, un homme? Bah, tu comprends, et pas une fille, ouais. Bah, une fille, pourquoi? C'est une femme. Je voulais savoir ce qui se passait. Non, et puis, il y a des filles qui peuvent être excitées aussi avec des films de boules. Après, ouais, ça dépend des films. T'as des trucs dégueulasses qui ne les intéressent peut-être pas. Et encore, il y en a. Et puis, inversement, ouais. Bah, merci Aurore, en tout cas, d'être passée pour ça, là. Ouais, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, mais attention, tu as droit qu'à deux personnes, dont une pour Christophe, bien évidemment, hein. Une grosse dédicace à Christophe et une grosse dédicace à la secte ferrariste. Très bien, parfait. Bah, y a pas de problème, Aurore. Passe une bonne soirée, en tout cas, l'écoute de fun. À bientôt. À bientôt. Salut Aurore, ciao à toi. Retour avec Hakim là. Hakim? Oui, Mickaël. Oui, Hakim. Est-ce que t'as une dédicace à passer, Hakim? Ouais, ben, je voulais passer une dédicace, ouais, à ma maman. Mais t'es sérieux, Hakim? Hein? Depuis le début, on fait des dédicaces à Christophe. Et toi, tu passes une dédicace à ta daronne? Ouais, ben, vraiment, ouais. Non mais Hakim, sans déconner quoi. Je peux plus Hakim, je suis désolé. Hakim. Ouais. Je t'avais déjà donné des coups en plus tout à l'heure là. Tu veux de nouveau des coups? Remets-lui une tournée, c'est pas bon. Si, tends la joue Hakim. Non. Tends la joue. Aïe, aïe, aïe. C'est pas sérieux Hakim, hein. sérieux. Non, c'est pas sérieux. Bon, Hakim, ouais, attention. Non, Hakim, t'es énorme. Je rappelle que pour l'instant, il y a toujours l'iPod Nano à gagner et également, enfin, c'est pas et c'est où en fait, c'est vous qui choisirez votre casque DJ. Pour gagner l'un ou l'autre, il suffit de répondre à la colle de ce soir. Si personne n'a la bonne réponse, eh bien, vous repartirez avec, enfin, tu repartiras Hakim avec les cadeaux. Si quelqu'un a la bonne réponse, c'est cette personne qui repart avec les cadeaux s'il est tiré au sort. Hakim, on t'écoute pour la colle. Alors, pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, ce soir on joue par SMS, puisque vous pouvez aussi gagner votre iPod Nano directement sur le Facebook ce soir, je vous le rappelle. Bon, si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, M-I-K-L, espace la réponse. Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 74-900 par SMS et pour la Belgique au 63-22. Bon. Hakim, on te récupère tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure, Michael. Retends un peu la joue quand même pour voir là. Attends, vas-y. Vas-y. Aïe. Voilà. Et Eric qui dit Hakim m'a tué. Oui, bah nous aussi, Eric. Ouais, t'inquiète pas sur Facebook il était bon, là. Il était bon. Ouais. Bon, à tout à l'heure, Hakim. Hein. À tout à l'heure, Michael. Bon, ouais, à tout à l'heure, Hakim. Et Hakim? Ouais. Alors, on va préparer le truc. Donc, tout à l'heure, je vais te reprendre. Ouais. Ok. Donc, à un moment, je vais te dire salut, Hakim. Bah, t'es là pour la colle et tout le machin. D'accord? Ouais. Et à un moment. Là on est hors antenne Hakim, donc t'inquiète pas. Et à un moment je te demanderai si tu veux faire une dédicace. Et là tu fais la dédicace à qui? À Christophe. Parfait. Génial. Oh, Hakim, tu as compris. Voilà, parfait. Bon alors Hakim, donc ouais. Tout à l'heure quand on te reprend à l'antenne, donc là on est hors antenne, mais tout à l'heure d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je te reprends. Ouais. On fait ça, d'accord? Ouais, y a pas de problème. Bon, je compte sur toi, hein, tu vas pas me foirer le truc, hein. Non. Bon. On est en antenne là. Là on est en antenne, ouais, mais c'est pour ça, je te le dis tout à l'heure dans un quart d'heure, on en parle et on fait le truc correctement, quoi, d'accord? Ouais, y a pas de problème. Parce que bon là tu m'as foiré le truc, là j'ai perdu au moins une bonne partie des auditeurs, quoi. Ah bon? Bah oui, écoute, on fait un sketch et tu me foires le truc, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Bon. Ouais. D'accord, Hakim, je compte sur toi. Hein. Ok, ouais. Parfait, très bien. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74-900. Exactement, et on aura Hakim d'ailleurs tout à l'heure, évidemment, ouais. Hein, Hakim par téléphone pour la colle de ce soir. Voilà. Et vous savez quoi? Quoi? Je pense, parce que je lui ai pas parlé aux antennes, hein, mais je pense qu'il va réussir tout à l'heure quand je lui demanderai pour faire la dédicace à qui il veut la faire, si je pense qu'il va la faire à Christophe. Ah, j'espère. Je voilà. sais pas. Les paris sont ouverts. Non, je sais pas, je pense, en tout cas. On les paris, là. Bah, on verra. Moi, je mets 1 €. Je prends. Bah, très bien. Christophe, tu mets combien? Oh là, moi je mets pas grand chose sur Hakim, hein. 50 centimes, pas plus, hein. Bon, il y a Solène sur le Twitter qui dit l'énorme Hakim, l'auditeur le plus à l'ouest, et c'est Jonathan qui avait envoyé le message sur Twitter également d'ailleurs, et puis Eric donc qui m'a tué, hein, Hakim en l'occurrence. Très bien. Bon, plein de messages qui sont arrivés. Élise qui dit vous êtes des connards quand même. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça, Élise, et je me sens insulté. D'ailleurs, Élise, tends la joue. Ah, oh, j'adore. Tu l'auras bien mérité, Élise. Non, mais dites donc, alors. Est-ce qu'on parle comme ça maintenant? Ça se fait pas? J'adore. Ça se fait pas? Ah, oh, j'adore. Ça se fait pas? Ouais. Bon, on est d'accord. Ça ne se fait pas. Retour avec, Camille, maintenant. Allô, Camille, avec son acné, là. Camille? Oui, je suis là. Bon, parfait. Attends, je vais essayer avec toi. Camille, t'as une dédicace à faire? Allô? Ouais. Camille? Pardon. Oui. T'as une dédicace à faire? Alors attends, j'hésite. Ouais, Christophe, j'aimerais bien. Parfait. Voilà! Bravo, Christophe! Parfait. Bon ben voilà, on y est là maintenant. Je rappelle que depuis qu'on a parlé tout à l'heure là des prénoms un peu chelous, des deuxièmes prénoms un peu chelous, eh bien on s'est rendu compte effectivement comme des cons que Toff c'était donc Christophe et qu'il n'avait pas son prénom. Donc ouais. Du coup évidemment ce soir on ne fait que l'appeler Christophe. Je compte sur vous bien entendu. Et mais je vous rappelle fait, je voulais également vous dire un truc. J'adore ce prénom. Il est tellement bien. Ah bon, on va l'appeler comme ça définitivement. Ouais. Alors. Ah bah parce oui, que moi je voulais faire ça que ce soir, mais au final on peut changer, tout ça, il y a pas de problème. Bon, donc je disais que ce soir il y avait aussi l'iPod Nano à gagner. Ce sera avant 23h. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez tout simplement votre message maintenant sur le Facebook. Vous allez liker tout simplement et je vous tire au sort parmi les likers. Facebook.com/mikl officiel. Allez, bonne chance tout le monde. Bon, Camille, par rapport au bouton, toi, puisque tu nous avais appelé par rapport à ça justement, il y a plein de messages qui sont arrivés, notamment hein, beaucoup ont déjà effectivement essayé le Roaccutane. Il y a Juju qui proposait aussi, Juju sur le Twitter, qui dit pour l'acné, tu peux essayer du citron. Il y a un message. Le citron. T'as déjà essayé? C'est web et quand on a une forte acné, ça veut dire qu'on a une peau super sensible, alors le citron, ça va faire quoi? Ça va te laisser des marques et tu vas avoir les marques pendant 15 jours, quoi. Ah ouais, par contre, ouais. On peut pas tout avoir. Effectivement, ça enlève les boutons, mais. Ouais, d'accord. Bah, y a Wendy qui demandait aussi pour le citron si t'avais déjà essayé. Elle dit, ça marche pas mal le citron, mais en hiver et sans Roaccutane, bien sûr. Sinon, ça doit être décapé. Ah bah, tu m'étonnes, oui, ça c'est. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah, très bien. Bah, et après, tu nous avais demandé aussi, si ça posait un problème aux gens quand ils voyaient des gens avec des boutons. Non, après, ça pose pas de problème. Enfin, en tout cas, moi, ça me pose pas de problème. Quand tu vois quelqu'un passer, c'est pas dramatique. Ouais, c'est Enfin, je sais pas, toi, c'est comme voir quelqu'un qui passe, je dis pas que c'est la même chose, hein, mais tu sais, comme t'as une espèce d'handicap physique, parce que c'est ça aussi, avoir des boutons, c'est pas un handicap grave, mais c'est quand même, ça reste quand même un handicap physique. Tu peux avoir des allocs pour ça? Mais non, arrête ton cinéma. Ouais, tu peux essayer. Pas sûr que ça marche. Il y a Clara aussi sur le Twitter qui dit j'ai pas mal de boutons, j'ai essayé beaucoup de traitements et très peu ont réellement marché. Blandine sur le Twitter qui dit pas de problème d'acné, seulement un bouton de temps en temps. Ouais, mais c'est un peu ça. Vous savez, moi j'ai le problème aussi avec les boutons, j'en ai encore aujourd'hui, hein. Ça arrive de temps en temps et ça arrive seulement quand je bouffe des et pourtant j'adore ça, c'est con, mais quand je bouffe des bonbons. Ah, parce qu'en fait, je suis con, mais je suis allergique au porc. c'est dommage, ça. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'adore le chorizo, par exemple, mais quand j'en bouffe, j'ai des boutons. Et donc, dans les bonbons, il y a de la graisse de porc. C'est vrai, enfin, de la gélatine. De la gélatine de porc. Et du coup, quand j'en bouffe, en fait, bah, c'est pas si j'en mange un seul. Mais si je me fais péter le bide avec des bonbons, tu sais, les espèces de petits trucs coca, là, acidulés, du coup, je me tape des boutons, quoi. Ça, c'est sûr à 100%. Toujours autour du nez ou alors sur le cuir chevelu. Bon, là, ça me dérange moins, évidemment, ça se voit moins. Mais du coup, ça fait un mal de chien. Donc, ça se trouve, c'est peut-être un truc que tu manges, Camille, hein. Mais j'ai essayé aussi pendant un mois. J'ai rien mangé, j'ai bu que de l'eau. Non mais. Exactement. J'ai perdu 20 kilos, mais j'ai toujours les boutons. Ouais, c'est ça. Non, ouais, j'ai essayé de manger du verre et tout, mais ça a du pas verre. Fait grand-chose. Du verre pilé. Enfin, ça veut dire. Tu as mangé du verre? J'ai envie de manger des légumes, des fruits. Ah, d'accord, ok, très bien. Non, mais écoute, peut-être après, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, je te dis, les boutons, ça vient surtout avec la bouffe chez moi. Ouais. C'est des filles, ça vient surtout d'un problème hormonal. C'est moi, enfin en tout cas pour moi c'est trop d'hormones masculines. Ah bon? Voilà, du coup, oui voilà. Du coup t'as un excès de sébum qui se forme et voilà, ça vient de ça en fait. D'accord, ah bah je savais pas tiens. En général, il y a des filles qui prennent la pilule justement pour. La pilule ça réorganise les hormones. Ouais. Pour, par exemple les règles et tout ça. Exact. Et ça joue aussi sur ça. Donc voilà. Ah bon bah voilà, tu vois, je savais pas. Il y a Cédric aussi qui dit les acnés, ça me dégoûte pas, ça me ralentit, après le physique ne fait pas tout. Non, c'est vrai, ça fait pas tout, mais ça fait quand même une bonne partie des choses. Maintenant après c'est vrai que quand t'es un mec ou même une fille, peu importe, mais que ton copain en a beaucoup, c'est vrai que t'as tendance, t'imagines, tu lui fais un bisou sur la joue et puis. Bah ouais. Non mais c'est vrai. Non mais faut quand même être honnête, c'est vrai que ça. C'est ça que je demandais justement, surtout aux mecs, est-ce que ça les gêne vraiment une fille même avec du fond de teint qui a de l'acné et tout, enfin je sais pas trop moi en fait. Non mais c'est-à-dire qu'avec le fond de teint, ça se voit pas à première vue, mais c'est clair que t'as le malheur de prendre une douche ou un truc comme ça. Moi j'y vais, j'ai rien à foutre. Non mais c'est tendu, boutons, moi, c'est tendu, c'est juste ça. Mais avec tes boutons, je te prends, moi j'ai rien à foutre. Ouais, c'est ça, merci Polo. Non mais voilà, après c'est pas dramatique, mais voilà. Donc si vous avez des avis à donner en tout cas à ce niveau-là, n'hésitez pas. Est encore là. Si vous avez des conseils au niveau de l'acné, là, 01 42 48 5000, les filles, les garçons. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Dans quelques instants, on va parler libertinage avec Philippe, qui est toujours avec nous, Philippe. Bah oui, très bien. Parfait. Il y a aussi Laura qui voulait réagir, là, de Normandie. Laura, 29 ans. Bonsoir, Laura. Ouais, ça va. Tranquille. T'as une dédicace à passer, Laura? Ouais, Christophe. Parfait. Oui. Bravo. Oh, le rire, il est énorme. On dirait une vieille sorcière, tu me fais peur. Oh là là, c'est Laura. Dégueulasse. Hey, c'est quoi ce rire, Laura, là? Quelle horreur. T'imagines, tu vas... Oh là, tu sors avec elle, t'es au cinéma, là. T'inquiète pas, quand je fais l'amour, je fais pas le même sourire. Hein. Ah, ça va super bien. Bien, très bien. Nous voilà rassurés. Combien mesures-tu? Non, ne rigole pas, donne-moi juste combien tu mesures. J'ai combien? 1m60. 1m60, combien pèses-tu? J'ai 52 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. D comme Denise, hein, on est bien non, d'accord. B comme Bénédicte. B comme bâtard. B comme démon. Ou comme bouton. Ah, ouais. D comme démon, alors donc ah, d'accord, oui. Ok. Oui, oui, donc D, j'avais raison. Donc, et, ouais, d'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oui. Mais écoute, ah oui, tu as un très beau rire, Laura. Oui, tu rigoles très très bien, je voulais te le dire. Voilà. Et Laura, tu peux nous donner un exemple à quand t'es au lit? Parce que là, ça m'intéresse. Hein. Je sais pas, tu veux savoir quoi, genre. Ça fait ah. C'est un peu naze. Non, bah, on va pas le rire. Hey, moi, je m'en vais. Ouais, j'imagine, t'as ça, et puis après, t'as le rire derrière. Tu te finis toute seule, je m'en vais. Bah, oui. Bon, mais Laura, tu restes avec nous. Tu voulais réagir à Philippe par rapport au libertinage, toi, c'est ça? Tout à fait, ouais. Bon, très bien. On fait ça après. Robin Tick, tu restes avec nous. Philippe, bouge pas. Tony également, qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Et puis, on est là. On est les seuls à être en direct ce soir. Alors, venez, vous êtes chez vous. Même si, vous avez peut-être l'habitude d'écouter notre radio ce soir. Ah bah, c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les dimanches soirs, 20h-23h. On écoute Robin Tick. Prenez le contrôle. Appelez le 01-42-48-5000. Allez, vous laissez tous vos messages aussi. Vous pouvez appeler hein, le standard. Hein, donc, comme on vient de vous le dire, là, vous appelez standard. Il n'y a pas de problème. Il y a Sandro qui va décrocher juste derrière, comme premier. Et puis, on va également eh bien, se faire la petite rediff là, de ce magnifique moment qu'était le chéri. Je peux te faire cocu. C'était lundi dernier. On va rejouer d'ailleurs demain. J'aurai des écrans plats à vous offrir. Un écran plat LED Full HD. Ce sera pour vous. Et on jouera demain au chéri. Je peux te faire cocu. Avant ça, retour avec Philippe qui doit partir. Toujours là, Philippe. Oui, toujours là. Parfait. J'ai pas tardé à partir, ouais, je sais justement. C'est pour ça qu'on va prendre Laura là maintenant en Normandie. Là, Laura avec son rire un peu bizarre. Hein, Laura. Oui. Ris un peu pour voir. Là. Non. Allez, vas-y. Ah, t'as un peu le même rire que les mignons, hein. Oh, c'est trop gentil, t'es trop gentil avec moi. Oh, bah, je t'en prie, écoute avec plaisir. Y a pas de problème. Je vois qu'elle a des préférences. Tout à fait. Bon, Laura, tu voulais réagir au libertinage, toi. Comme Philippe, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'aimes pas? Dis-moi tout. Bon, en fait, si tu veux, c'est pas une question d'aimer, je pense. C'est-à-dire, j'ai vécu une relation de libertinage il y a 6 ans de ça, en fait, dans le Sud, quand j'habitais dans le Sud. Et en fait, je pense que ça peut être un décomplexe pour une fille, en fait. C'est-à-dire que quand une fille est complexée par tous ses problèmes, que ce soit les fesses ou les seins ou n'importe quoi, je pense que ça peut être une chose, en fait, qu'on peut se décomplexer à travers ça, en fait. Ouais. C'est pas une façon de vouloir les fréquenter ou pas, parce que moi du coup je les fréquente pas, si tu veux. Par contre, quand j'ai un copain, bah je m'amuse à fond et tout avec lui. Mais ça c'est quelque chose à faire, en fait. Faut le faire au moins une ou deux fois, parce que ça donne confiance en soi et en fait ça permet de casser des barrières qu'on n'aurait pas fait avant, en fait. Bah, il faut le faire si t'as un minimum envie, tu vois. Moi, c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, si t'as une idée, un moment ou un autre, de vouloir le faire, c'est peut-être bien d'essayer. Au moins, ça te donne une idée définitive, voir si t'aimes bien ou si t'aimes pas, quoi. Bah voilà, ouais, après moi j'ai bien aimé, si tu veux, dans le sens j'ai bien aimé, mais c'est pas un truc que je ferais tout le temps, en fait, si tu veux. Mais c'est un truc que je pense qui peut être contraire au libertinage, comme les gens peuvent y aller pour aimer. Ça peut être aussi un truc aussi pour casser ses complexes, parce que quand t'es une nana, bah forcément, des fois t'as certains complexes que t'arrives pas à casser. Et je pense que d'aller 20 ans, ça peut aussi permettre des avantages sur quelques problèmes qu'on peut avoir, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe, toi qui va amener le sujet du libertinage? Ben moi je pense que des fois quand on n'est pas très bien dans sa peau, je pense que c'est à ce moment-là où des fois on a envie de se lâcher et, comme elle dit, sentir comment dire, si il y a des formes qui sont pas, voilà, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Elle a dit la poitrine, si, voilà, quoi. Ouais, bon, attends, on va prendre l'avis de Tony aussi, qui était de Poitiers là. Salut Tony. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va, ça fait longtemps. Certainement, Tony. Ah, c'est Denis, d'accord, parce que dans le standard il est marqué Tony, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pareil, Tony, Denis. D'accord, ouais. Bon, bah désolé, Denis. Alors, du coup, Denis, toi tu voulais réagir au libertinage? Oui, moi, bon, j'étais contre. Ah, contre? Pourquoi t'es contre, toi, dis-moi? Bon, parce que ça sert à rien de faire ça. Puis bon, moi je suis avec ma copine depuis 4 ans, on n'aime pas du tout, parce qu'on a peur que ça brise notre couple. Oui, bah forcément, ouais, c'est clair que c'est un peu tendu. Il y a des risques, mais non, il faut le faire quand. Si vous êtes tous les deux OP pour le faire, bah faut essayer. S'il y en a des deux qui est un peu, qui hésite un peu, bah ouais, il faut. On est contre tous les deux. Ah bah voilà, bah alors c'est très bien. Alors c'est très bien, mais pourquoi vous êtes contre? Juste parce que vous avez peur que ça casse votre couple? Donc ça veut dire que si vous y avez déjà réfléchi, vous avez quand même un petit peu envie. Vous avez peut-être peur de que ça casse le couple, mais vous avez un peu envie quand même. Alors, ça fait longtemps qu'on a réfléchi, puis on a déjà parlé, puis c'est vrai qu'on est con. D'accord, ouais, ok. Si vous y avez réfléchi, ça veut dire qu'il y en avait un des deux qui avait envie et que l'autre n'a pas envie. Ouais, et que du coup il se dit, je vais pas le faire parce que bon, on sait jamais, quoi. Parce que un truc que t'as pas envie de faire, tu le mets pas sur la table en disant, qu'est-ce que t'en penses si on faisait ça? Ouais. Bah, à voir, mais bon, ça reste à ne pas faire. Si t'as pas envie de le faire, écoute, Denis, de toute façon, tu prends pas la tête, hein. Oui, et puis enfin, ça coûte cher, hein. C'est un loisir qui coûte cher, hein. En plus, ouais. Donc, déjà, si t'as une meuf, c'est déjà le principal, hein. Restez bien comme ça. C'est ça, une meuf déjà en soi, ça coûte cher. Alors, en plus, libertinage, là, c'est fou. Exactement. Bah, Denis, merci à toi d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Denis. Laura, encore un truc à dire? Bah non, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Puis encore une dédicace à Christophe. Très bien, vas-y, continue seulement, c'est pas mal. Ah là, Christophe donc qui est avec nous, hein, ce soir, hein. Oui, n'est-ce oui, pas oui, je suis là, le guest de ce soir. Exactement, et quel guest bon, ben bah, gros bisous, Laura. Ok, bah bisous à tous. Allez, merci, bisous à toi, Laura. Salut. Et puis Philippe, bah, merci à toi d'être passé en tout cas, et tu reviens quand tu veux, hein. Je sais pas si je reviendrai parce que bon déjà je suis pas trop à l'aise mais tu reviens quand même. C'est pas grave, dis-moi Philippe, il y a pas de problème, on est entre nous, regarde. Non, on est... je suis un peu réservé quand même, je suis pas. Mais il faut pas, t'inquiète, tu repasses à l'antenne quand tu veux, il y a pas de souci. Je vais passer une petite dédicace. Bah oui, vas-y, oui. Attention, hein, ouais, deux personnes maximum. Déjà, je vais passer une dédicace à ma cousine. D'accord. Hein. Et une dédicace à Christophe. Oh, oh, ouais. Avec une bifle sur le front. Oh, parfait. Alors il va. Merci Philippe. Eh ben il va encore plus adorer. Alors c'est parfait. Merci Philippe. Et si tu veux qu'on partage ta copine, quand tu veux. Ouais, ben il a pas trop envie, je pense. J'ai pas de copine. Eh ben voilà, comme ça le problème est résolu. Bon ben salut à toi Philippe et à bientôt. Okay, hein. Merci. Salut, à salut. Bientôt, et dans un instant on fait le gagnant avec Hakim là justement pour la colle. Ce sera dans un instant sur Fun Radio et puis je vous calerai aussi le son d'Avicii. Le DJ Fun Radio sera dans Mickaël No Limit dans un instant sur Fun Radio. Allez, restez bien là, on est en pleine forme, c'est dimanche soir, on est les seuls à être en direct avec vous ce soir sur Fun Radio jusqu'à 23h. Soyez tous les bienvenus. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Eh ben alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Pourquoi ça marche pas le truc là? Petit problème technique. Autant pour moi, dis donc. Bah c'est que j'avais le temps de prendre Hakim alors au final, hein. Allô, ouais. Hakim. Allô, Hakim. Ouais, Mickaël. Ah bah voilà, dis donc. Hakim, ouais, t'as une dédicace à faire? Allô. T'as une dédicace à faire, Hakim? Ouais, bah j'en ai une à faire, ouais, à Christophe. Ouais. Oh là là là là là là. Eh bah voilà, ça y est, quand même, t'as réussi à la faire, t'as réussi à la placer, Hakim. Ouf. On a eu le show, là. Ça a été dur, Hakim, ça a été dur. Hein. Voilà. Bon bah du coup, puisque la machine ne voulait pas partir, là, bah c'est pas grave, hein. Moi, si elle veut pas mettre la pub, elle met pas la pub, c'est pas un problème. Bon, du coup, Hakim, on est parti, là, pour la petite colle? On y va. Allez, vas-y, la colle de ce soir, je rappelle que c'est pour gagner un iPod Nano ou alors votre casque de DJ. Attention. 3, 2, 1. C'est la dernière fois que tu poses ta question, Hakim. Profites-en. Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? Juste, j'avais une question pour être bien sûr, c'est des sous, c'est de l'argent ou c'est un alcoolique? Non, c'est de l'argent, c'est de la thune. De l'argent. Bon, écoute, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Si il ou elle décroche et répond correctement, eh bien, ce sera gagné pour lui ou elle. Et si jamais on n'a pas de réponse ou si ça ne répond ou si ça répond mal, c'est toi qui gagne. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Jessica. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Jessica. Salut. Ça va? Salut. Oui, ça va. Bon, Jessica, est-ce que t'as la réponse à la colle d'Hakim, là? Pourquoi jette-t-on des sous dans la mer? C'est pour les sous-marins. Hakim? Pour faire des sous-marins. Ouais, c'est oui, pour... bah, c'est pareil. Ouais, bah, tu vas pas chipoter, Hakim, là. Hein. Oh, c'est gagné! Eh ben voilà, bravo à toi. C'est Jennifer, c'est ça? J'ai oublié, merde. Jessica, pardon, tant pour moi. Bon bah Jessica, tu veux gagner quoi, l'iPod Nano ou tu veux le casque de DJ? L'iPod Nano, eh ben il est pour toi, sans problème, Jessica. Je te fais des gros bisous. Beaucoup. Et tu veux passer une dédicace beaucoup. Éventuellement à quelqu'un en particulier? Dédicace à Christophe. Mais oui. Voilà, c'est bien ça, Jess. Bon ben gros bisous, Jessica, reste au standard, on prend toutes tes coordonnées dans un instant. Merci, bonne soirée. Salut Jess, ciao à toi. Et puis Hakim? Ouais. Bah t'as perdu comme d'hab, hein, mec. Hein. Bon, bah voilà, bah, tu reviens quand tu veux, hein, d'accord? Bah y'a pas de problème. Bon bah salut, hein. Salut Mickaël. Allez, ciao Hakim, bye bye. Bon bah du coup maintenant est-ce que ça a marché? Bon, on verra, on revient dans un instant. Donc avec le son comme promis, ce sera de Avicii. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Moi aussi. Bizarre. Avicii dans un instant avec Wake Me Up. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. On est là, les seuls en direct sur Fun Radio jusqu'à 23h. Profitez-en bien. C'est Mickaël No Limit sur Fun. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 01 42 48 5000. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez hop là, vous balancez tous vos messages 01 42 48 5000 partout en France. Ne cherchez pas ailleurs, on est les seuls à être là pour vous ce soir jusqu'à 23h. Exactement, avec Christophe. Exactement, merci, qui est avec nous. Ça me fait plaisir. Voilà, il y a Wendy sur le Twitter qui dit là, j'applaudis des deux seins, des faux, des couilles, le plus grand romantique de France. Merci. C'est dédicace énorme pour Christophe, bien évidemment. Et puis Juju aussi qui dit en même temps, Camille, elle voit peut-être que ça parce que ça la gêne, alors que c'est peut-être pas aussi voyant qu'elle le pense. Ça, c'est par rapport à l'acné. On va en parler dans un instant. Je vous l'avais promis aussi, le chéri, je peux te faire cocu, on va vous le mettre. Rassurez-vous, ça va débarquer dans un petit instant aussi sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez venir sur Twitter là, venez vous faire un petit follow, je ferai le de même dans l'autre sens. Donc si vous voulez faire un follow, bah, je ferai pareil avec vous juste après l'émission. Donc vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre sur Twitter. Je vous attends avec impatience. Puis on va se faire aussi dans quelques instants, et ben notre amie Élise là, qui voulait réagir par rapport à l'acné, ce sera dans un instant, le temps d'écouter maintenant le son d'Avicii. Je vous l'avais promis, on se le fait maintenant, c'est Wake Me Up sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde, on est en direct jusqu'à 23h, c'est Mickaël No Limit. Feeling my way through the darkness. Le son d'Avicii sur Fun, c'était Wake Me Up. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h, vous venez délirer avec nous, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous ici, il n'y a aucun problème. Je vous calerai tout à l'heure encore bah, du son avec live, notamment la Cruella qui sera avec nous, la Cruella, c'est parti. Voilà, Cruella tout à l'heure. Et puis pour ceux qui kiffent aussi le son de Martin Garrix. Eh ouais, Martin Garrix avec Animals, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Il y a Maxence qui dit m'a tué le rire de la fille tout à l'heure. Ouais, c'était Laura là, qui était passée à l'antenne tout à l'heure. C'est Maxence qui disait ça sur le Twitter. Jonathan qui dit aussi, car maintenant si je suis insomniaque, ce sera en ta compagnie. Eh ben merci, effectivement, c'est vrai qu'à partir de demain, on sera là de 23h à 2h, hein, je tiens à le rappeler aussi. Bah, du coup, aussi... on sera moins seul. Eh ben du coup, exactement. Il y a Madge aussi, là, sur le Twitter, qui dit Mickaël, me tient compagnie en ce dimanche soir, bien nul. Ben c'est pour ça qu'on est là, parce que tout le monde vous a abandonné, donc on est là en direct. D'ailleurs, passez le message autour de vous, cela dit au passage. Mathieu qui dit salut Christophe, qu'est-ce qu'il y a aussi Cédric qui dit dédicace à Christophe et à Polo et à Mickaël. Eh ben merci à vous, en merci tout cas. Les gars, là, c'est bien gentil. Rejoignez-nous d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. Tirage au sort avant 23h pour vous offrir votre iPod Nano, ce sera sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Voilà, vous tapez cette adresse pour venir nous rejoindre, vous faites le like sur la petite photo avec l'iPod et puis on vous tire au sort tout à l'heure avant 23h, hein, parmi les likers. C'est pas plus compliqué que ça, on sélectionnera quelqu'un au hasard. À vous de jouer, bonne chance, et en plus le jeu est gratuit, ce qui est quand même plutôt sympa. Je vous rediffuse aussi le chéri, je peux te faire cocu dans un instant. Et avant de reprendre Camille avec l'acné ainsi qu'Élise, on a une autre Camille là maintenant, là d'Avignon. Allô Camille, l'autre Camille. Salut. Salut Camille. Aïe, salut. Alors Camille, toi tu nous appelais parce que tu voulais nous donner des nouvelles. Oui, parce que je vous avais appelé la dernière fois parce que je soupçonnais mon père d'avoir une maîtresse. Attends. Chut, chut, chut. Non. Oh, c'est énorme. Eh, tu peux lui dire qu'il ferme sa gueule là, on t'en va. Le grillon là. Lui une baffe. Ah putain, c'est bon ça. Tu vois, ça fait plaisir avec Avignon là quand même. Oui. Tiens, ça c'est pour le grillon ça. Dis-moi, voilà. Tu es sous un pont d'Avignon. On c'est drôle, ça par contre, tu vois. Tu peux aussi tendre la joue. Bon, du coup, alors Camille et ses grillons là. Parce que je vous avais appelé la dernière fois parce que je soupçonnais mon père d'avoir une maîtresse. Oui, je me souviens effectivement Camille là. C'est vrai que tu nous avais appelé, tu soupçonnais ton père d'avoir une maîtresse et donc du coup tu voulais tu voulais des infos, enfin tu voulais savoir quoi faire, etc. Je t'avais dit c'était pas ton business, etc., etc. Mais que tu pouvais quand même lui en parler pour voir. Ouais, et en fait donc j'ai décidé de pas le dire, mais sauf que il s'est passé un truc mardi dernier. Je suis rentrée chez moi vers 15h et là, j'ai vu ce que j'aurais dû jamais voir. Mon père en train de niquer. Non, c'est sa maîtresse à la maison. Ah ben, je sais pas si c'est la même, mais. Oh, c'est chaud. Oh. Ah putain, il était en train de coucher avec elle à la maison. Ouais. Et toi, et ma table de ma cuisine en plus, là où je bouffe. Oh non. Sur ta carotte et concombre. Ah l'horreur. Mais il était sur la place même où tu mangeais. Non, mais genre sur la table. Oh, pas, quelle violence. Mais il a vu que tu l'as vu? Je sais pas, je crois oui, parce qu'après elle est sortie, mais elle est partie après, quelques temps après, elle est partie parce que je suis restée après devant chez moi. Enfin, je me suis barrée après. Sans blague. Et je suis restée après devant chez moi pour voir un peu si elle sortait ou pas. Ouais. Et en fait, quand elle est partie, je suis allée voir mon père, mais sauf que là, bah, grave embrouille, on s'est pris la tête. Comme je me suis jamais pris la tête avec comme ça. Bah oui, mais en même temps c'est normal. Je veux dire, tu vois ton père. Déjà tu veux t'hésites à lui parler pour voir un petit peu comment ça se passe parce que tu le soupçonnes d'avoir une maîtresse et puis là tu le vois en train de niquer l'autre meuf que ta mère sur la table de la cuisine quoi. C'est quand même chaud. Bon, mais, elle est bonne un peu ou pas l'autre? Mais on s'en fout. Toi, c'est quoi cette question là? Bon, Camille, reste avec nous. On en reparle dans un instant, d'accord? Ok. Bon bah bouge pas Camille avec ses grillons là. Message aussi qui est arrivé de Laure qui dit nos limites on. Attends c'est quoi? Nous on rentre de vacances en écoutant Mickaël nos limites, on se marre. Bon courage à tous ceux qui sont dans le même cas. Eh bah ouais bah bon courage à ceux qui rentrent. Ah il était temps en même temps hein, bande de feignasses hein. C'est vrai. Ça, faut retourner au boulot. Ouais, il y a un moment, faut quand même pas déconner non plus quoi. Bon, dites-nous si vous avez déjà grillé votre père en train de coucher avec une autre meuf ou votre mère avec un autre mec, comme celle de Camille là justement, ouais. Quoi, l'inverse. Votre père avec un autre mec et oui, votre bah, peu importe. Oh, si mais, vous, non, si... mais c'est quoi ton problème, toi, avec des... c'est quoi ça? Rien. Un problème dans ta tête un moment. Un peu de folie, merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, de la folie justement. Tiens, avec le chéri, je peux te faire cocu. Allez, c'est parti, chéri, je peux te faire cocu. C'est tous les lundis soirs, vous le savez, sur Fun Radio. Et le principe est simple. On appelle, bah, vous nous appelez déjà, hein, donc garçon ou fille, peu importe. Et donc le principe, c'est d'appeler votre copain ou votre copine pour lui faire croire que bah vous avez quelqu'un d'autre qui a envie de coucher avec vous, que vous êtes quelqu'un d'honnête et que du coup, bah, vous avez envie d'un one shot, quoi. Voilà. Donc, ouais, vous êtes très honnête, donc vous le prévenez. Tout simplement. Normal. Voilà, ça se passe maintenant. Écoutez les réactions. En général, ça gueule un peu. Il y a quand même un écran plat à gagner. Hein. Je vous dis ça parce qu'on va rejouer demain. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez dès à présent appeler Sandro au standard au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 pour la Belgique. On écoute ça tout de suite. Allô. Oui, bébé, ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Dis-toi où tu vas bientôt rentrer? Ouais, ça va. Parce que en fait, j'ai rencontré Michel. Michel, c'est qui travaille dans les jardins au travail où je suis. Et ouais. Donc, je l'ai vu tantôt dès l'aise. Il m'a demandé de venir boire un verre, donc j'ai été boire un verre chez lui. Et donc, je te téléphonais parce que il m'a demandé quelque chose et je préfère quand même te le demander avant. Donc, il me demande pour voir si c'est possible qu'on fasse un plan tous les deux. Quoi? Un plan tous les deux. Attends, quoi? Ben, il trouve que je suis super sexy. Et donc, voilà, quoi. Bonne blague, ça. Ben non. Attends, mon coco, ouais. Une bonne blague, tu vas voir. Ouais, c'est une bonne blague, allez, arrête tes couilles. Ben non. Non. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que c'est une blague, il ne me croit pas. Ah bon? Ouais. Mais bon, il est... qui te dit mot consent, comme on dit, hein? Ben oui, donc ça veut dire que je peux. Donc, si j'y vais samedi pendant que tu fais la nuit... Ouais, pas de soucis. Passe-le-moi, sinon. Ouais, c'est ça. Allô? Bon. Oui? Allô? Tu veux que je te le passe? Ouais, bah, passe-le-moi, passe. Oui. Voilà. Oui, je te le passe. Allô? Allô? Bonjour. C'est bonjour. Le copain ou mari, c'est ça? C'est ça, oui. Salut, c'est Michel. Oui. Bah, bonjour. Bon, enchanté, hein. Enchanté. Voilà. Bon, moi j'ai rencontré Christelle et c'est vrai qu'on c'était plus. Bon, je suis pas du style à piquer la fille des autres, hein, t'inquiète pas, hein. Ouais. Enfin la copine des autres ou la femme peu importe donc je t'inquiète pas moi c'est juste comme ça j'ai juste parfois des kiffs comme ça de coucher avec une fille juste un soir donc je lui ai demandé j'avoue que c'est la première fois qu'on me dit je vais demander l'autorisation à mon copain ou à mon mari donc je suis un petit peu surpris aussi je sais pas trop si c'est pas un traquenard mais du coup voilà donc elle a voulu te demander donc Je demandais pas plutôt de casser ta gueule, mon connard, tu vois. Ça te rappelle, bah, dis donc, enfin. Non, je vais mettre dans le corps, on va se promener dans la boîte. Non, mais un peu de tenue, mais. Je vais t'accrocher à un arc, tu vas voir, tu vas rigoler après. Enfin. Dis donc. Et moi, je vais venir avec la tondeuse à gazon, moi, tu vas voir comment ça va se passer. Je vais te tondre les cheveux, moi, tu vas voir. Non, mais alors, on parle pas comme ça aux gens. Impoli. Non, attends, je vais te faire manger tes dents, mon connard. Me manger les dents, ben j'aimerais bien voir ça. Tiens, ben viens si tu veux là. Quand tu veux. Non mais attends, et moi je t'appelle. Non mais attends, il est rigolo dans lui. Donne ton adresse. Non mais attends, avant de donner mes adresses, on va se retrouver, tu vas voir.

Et ça t'a pas étonné. Ils sont dans la bagnole, quoi. Non, ça t'a pas étonné qu'ils sont en train de jouer au ping-pong, là, en toi. Ouais, c'est ça. Ils ont arrêté sur le bord de la route, mais n'ont jamais essuyé, quoi. Tellement que je trempais, quoi. Mon pauvre. Bon, au final, l'appareil photo numérique, Gaëtan et Christelle, comme promis, là. Merci en tout cas d'avoir, d'avoir participé. Ouais, merci, hein. Eh ben, ça va, Gaëtan, ça redescend, là, un peu la température? Ouais, je dis ça, je vais rentrer à la maison, je vais mettre une tarte à ma femme. Voilà, c'était la semaine dernière. À vous de jouer, donc, si vous voulez, vous aussi. Alors là, la semaine dernière, c'était l'appareil photo numérique. Cette semaine, j'ai des écrans plats à vous offrir. Écran plat, wow. LED Full HD, 40 pouces, bref, la classe. La grande classe. C'est la grande classe. Non, parce que vous jouez comme avec votre couple, alors il faut quand même qu'on vous file un truc en échange si vous perdez votre meuf ou votre mec, quoi. Donc si vous voulez jouer, 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0, vous appelez Sandro au standard et on jouera ensemble demain. Il y a Aurore aussi qui dit trop mort de rire le chéri, je peux te faire cocu. Ah ouais, mais celui-là il était bon, hein. Il y a Dorian aussi sur le Twitter qui dit je vais te mettre une bête dans le cul, tu vas voir. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait rire ça. C'est clair. Qu'est-ce qu'il dit, bah, il veut te mettre une bête dans le cul. Je vais te mettre une bête dans le cul, tu vas voir. Oh bon, il y a Belle aussi qui dit tu te rends compte de la chance que t'as, Michel, ça fait une bonne équipe, Michel et Christophe. Ah ouais, en parlant de ça. Oui. Tu nous dois Ah oui, c'est vrai. Ah oui, putain, j'avais oublié. Ouais. Bah oui, parce que là, je n'ai aucun problème avec mon deuxième prénom. Qui est le même prénom qu'un grand animateur radio et qu'un poisson rouge. Ah, c'est un poisson rouge, hein. Oui. Enfin, ouais, c'est ça. Ah, aussi dans une pub. Dans une pub, ouais. Non, pas Nemo, hein. Un poisson rouge dans une pub. Oh, ça aurait été bien que ce soit Nemo, toi, en deuxième prénom. Michael, Nemo. Ça se trouve, il y a des gamins qui s'appellent Nemo, là. Ah, ouais, c'est vrai. Les pauvres. Eh, attendez, je vous ai donné deux indices, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre indice? À vous de voir si vous allez déchiffrer. Bah, je parle pas de ceux qui me connaissent depuis longtemps. Ceux-là, vous allez trouver facilement, mais les autres. À votre avis, quel est mon deuxième prénom? C'est la même lettre que Michael. Voilà. Mon deuxième prénom, quel est-il? J'ai dit que c'était un animateur radio que beaucoup connaissent. Mouloud. Qu'est-ce que ça peut dire aussi? C'est le prénom également du poisson rouge dans une pub télé. Allez. Voilà. Donc à vous de jouer si vous avez une idée. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, là, allez-y. J'attends vos réponses. On verra si vous avez des idées ou pas. Tiens, justement. Hashtag et Mickaël et vous mettez quel est le deuxième prénom que j'ai. Et je peux mettre l'épreuve à l'appui, il n'y a aucun problème, hein, rassurez-vous. Donc bonne chance tout le monde. Voilà. Hashtag et Mickaël et la réponse. On donne la réponse dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Restez bien là. On va dans un instant revenir également avec Camille et son acné. On a Jérémy là, le timide. Toujours là, Jérémy? Jérémy? Oui. Ah, il est là. Jérémy le timide. Toujours timide, hein, ça a pas changé. Ouais, non. Non. Parce que des fois que entre le début et maintenant, tu vois, de l'émission, on sait jamais que. Ouais, il est pris confiance en lui. Il soit passé un truc, tout ça. Voilà. Donc bon bah très bien. Bah alors reste avec nous, Jérémy. On va parler avec toi dans un instant. Retour avec Camille dans un instant. Donc et son acné. Camille une autre qui elle est en direct d'Avignon et nous appelait. Donc elle nous a appelé la semaine dernière parce qu'elle avait des soupçons comme quoi son père trompait sa mère. Et là ces soupçons sont avérés, Camille. On peut dire ça comme ça, hein. Puisque tu as grillé ton père en train de niquer notre meuf sur la table de la cuisine familiale. Elle l'a pris la main dans le sac. Complètement. Donc on en parle dans un instant, Camille. Reste avec nous, surtout ne bouge pas de là. Et je vous cale le son de Criwella dans un instant avec Live. Et il y a Lamia qui dit merci beaucoup du follow, tu gères ton émission, je serai désormais une auditrice fidèle. Bah écoute, avec plaisir Lamia, j'ai qu'une seule parole, hein, je vous ai dit, venez me follower sur le Twitter de l'émission, là vous tapez M-I-K-L officiel pour nous retrouver. Et puis si vous me faites un petit follow, bah je ferai de même dans l'autre sens, tout simplement. Voilà, comme ça vous suivrez ma vie, je suivrai la vôtre. Et puis comme ça on va pouvoir délirer ensemble et je vous connais très mieux. Voilà, M-I-K-L officiel sur le Twitter, je vous attends. Et nous on revient dans un instant en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs. On est là dimanche 20h-23h et à partir de demain on sera là du lundi au jeudi de 23h à 2h du matin sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. 20h-23h. I don't fucking care. On est en direct sur Fun Radio là. Allez hop là, je vous rappelle que demain à partir de 20h, nouveau rendez-vous, hein, ce sera avec Love in Fun, avec Karel, Karima, le Doc, qui seront tous là. Enfin, surtout Karima. Oui. Ouais. Karima. Moi je ne viens que pour elle. Eh ben, sans déconner. C'est ma motivation pour venir demain. Sans déconner. Voilà, Love in Fun demain à partir de 20h. Et puis bah nous on suivra hein, du lundi au jeudi de 23h à 2h du matin. On sera là en direct avec vous. Donc bah, il suffit de venir délirer avec nous. Vous êtes les bienvenus. On a aussi tout à l'heure l'iPod Nano là que je vais vous offrir. Si vous voulez le gagner, cet iPod Nano, c'est simple. Vous allez sur la page Facebook de l'émission, hein, facebook.com/mikl officiel. Et puis vous allez liker la photo où il y a l'iPod Nano. Voilà, je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont liké. Ce sera tout à l'heure avant 23h, donc dans moins de 50 minutes. Donc si vous voulez tenter votre chance, à vous de jouer dès maintenant, facebook.com/mikl officiel. Voilà, allez hop. Et puis on va se faire le son de Alive Kreuala maintenant sur Fun Radio. Il y aura Martin Garrix aussi tout à l'heure. Et puis n'oubliez pas également, tout à l'heure, ce sera Party Fun by Yekon à partir de 23h sur Fun Radio. La bonne soirée, Mikl No Limit, on est en direct. Let's make this Allez, bonne soirée avec Fun Radio. Je vous cale tout à l'heure, comme promis, Martin Garrix. Eh ben ouais, vous êtes impatients là. Hein. Ça va arriver tout à l'heure sur Fun Radio. Là, restez bien à l'écoute de Fun. Et puis n'oubliez pas qu'on est les seuls là ce soir, hein, dimanche soir, 20h-23h, en direct, rien que pour vous. Il y a un message DJ Kylian sur Twitter qui dit gros kiff là, le son. Bah ouais, tu m'étonnes, il arrivera tout à l'heure. Il y a Fredes aussi sur le Twitter qui dit il est bon lui, mais je suis plié de rire quand même. Et alors Nico qui dit mort de rire Mikl quand il s'énerve. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis énervé sur un truc? Non. Ah oui, dans chérie, je peux te faire cocu. Ouais, t'as fait. Non, je m'énerve alors vite fait évidemment. Oui. Et sinon ça y est, Estelle sur le Facebook, c'est pas la seule qui a trouvé mon deuxième prénom, hein, puisqu'elle dit Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. C'est vrai. Oui, bah écoute, j'embrasse mon parrain, hein, c'est de lui que vient ce deuxième prénom, voilà justement, Mikl, ouais. Maurice. Bah qu'est-ce que vous voulez, mais c'est pas... Franchement, je préfère Maurice que Pierre-Henri. Enfin Henri-Pierre. Enfin Henri je sais plus. Henri-Pierre. Henri voilà. Pierre dans ce sens-là. Voilà, chez Christophe c'est Henri-Pierre, exactement. Et ça vient d'où Henri-Pierre là, parrain, marraine, tonton Non, mon grand-père. Henri? Oui. Et Pierre? Mon grand-père. Ah, on comprend pas. Bah Henri-Pierre, mon grand-père. Ah, il avait le prénom composé? Oui. Ok, d'accord, je croyais que c'était Henri et Pierre, du coup c'est le grand-père aussi, c'est pour ça que je comprenais pas, peut-être l'autre éventuellement. Il y a Steven qui dit les grillons, ça m'excite, merci pour cet orgasme que ça m'a procuré. Écoute, avec plaisir, hein, nous si on peut rendre service, là, c'était notre amie Camille qui était avec nous au téléphone là, et qui avait des grillons derrière elle, elle était à Avignon. Enzo aussi du 6-9 qui dit mort de rire, vous me faites péter de rire tous les soirs. Eh ben on est là pour ça, ça tombe bien grâce à vous. Alors, retour avec Camille dans un instant, là, on va terminer avec l'acné, là, Camille. Oui, je suis là. Bon, parfait. Camille la Bordelaise, et il y a également Élise qui voulait réagir de Nancy. Bonsoir Élise. Bonsoir. Élise qui a son haut-parleur, le kit mal libre du tout, elle habite dans une église. Où tu habites effectivement dans un endroit où il n'y a pas de meubles. Attends. Change de pièce. Il y a un truc. Voilà. Là, ça va mieux, non, je sais pas. Attends. Parce que là, je m'entends même moi en écho, en fait, si tu veux. Non, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. C'est même ça. Attends, tu sais quoi? Élise, attends, bouge pas, je te raccroche au nez, je te rappelle direct, d'accord? Ok. Voilà, hop là, je lui raccroche au nez, ça, à mon avis, ça devait être la ligne. Non, mauvaise ligne! C'est des parents blindés, j'ai une grande pièce. Ah oui, merde, du coup, elle a pas encore répondu, elle a pas encore raccroché, attends, on va la rappeler en live, là. Hop là, c'est parti. Bonjour. Oh non, merde, on l'a perdu, dis donc. Bon, on va essayer de la rappeler, Sandro va la rappeler en antenne. En attendant, Camille? Oui. Bon, il y a des messages qui est arrivé par rapport à ton acné, hein. Est-ce que c'est pas dans ta tête le fait que, enfin, évidemment, t'as des boutons, mais est-ce que c'est pas non plus? Non, je me l'imagine moi-même, en fait, j'ai rien du tout. Non, c'est pas ça, mais, parce que là, tu nous disais que t'avais énormément de boutons, non, que tout le monde ne regardait que ça, etc. Mais, tu sais, parfois, il y a des gens, ils ont trois boutons et, t'as l'impression que c'est un drame. Non, mais voilà. C'est ce que je voulais dire aussi, enfin, moi, j'ai pas une acné qui est gavée forte, super moche, purulue et tout. Mais c'est quand même assez fort pour avoir un traitement comme Roaccutane, quoi. D'accord. Bon, attends une seconde. Il y a Élise aussi qui est là justement, la récupérer de Nancy, là. Allô, Élise? Allô, ça va mieux comme ça? Oui, très bien, parfait. Ah, Élise de Nancy en plus. Ah. Une des rares villes quand même où j'ai eu l'occasion d'aller et où je me suis retourné sur des moches. Voilà. Et parce que non, mais parce qu'il y en a beaucoup en fait, des jolies filles. Et donc du coup, c'est quand tu vois une fille très moyenne que tu te dis bah qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non mais c'est vrai. Non mais c'est pas méchant. Non mais c'est pas méchant. Je dis juste que. Attends, mais c'est pour tes accomplissements, pourquoi tu transformes ça en truc dégueulasse? Sur des moches, c'est dire ça. Mais non, mais parce que je trouvais qu'à Nancy, je trouve que... Toi, va me comprendre. Oh là là. Mais oui. Cajou. Mais parce que je trouve qu'il y a tellement de jolies filles à Nancy, en tout cas quand j'y suis allé, que effectivement des filles un peu bof, bah tu te retournes dessus parce que tu te dis mais... Tiens, elle fait tâche dans le reste, tu vois, c'est bizarre. Mais non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Non, okay, Nancy, non, méchant. Élise, je l'appelais Nancy maintenant. Élise, tu l'as pris comme un compliment, pas comme un... Bah. Oui, oui. Bah, ça, elle est pas, on sait pas si elle est chum, Élise. D'accord, Élise, combien mesures-tu? Combien mesures-tu, Élise? 1m78. Attention, je te passe cri. Oula, attention, elle est grande, elle peut te mettre une patate, mec, en deux secondes. J'adore. Combien pèses-tu, Élise? Ça, je dis pas. Ah oui. Ah. Quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Je dirais pas non plus. D'accord, et ton tour de poitrine? 90C. Ouais. Toi, ça va, c'est bien, c'est bien. T'as un gros cul, quoi. Toi, faut prendre le risque. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je prends. Hein. Ouais, bah, on a compris. C'est un peu dit mieux. Bon, et sinon, Élise, tu nous appelais. Vous savez, juste pour info, que vous pouvez mitonner Toff. Hein. Lui, il s'en fout. Lui, c'est juste pour ses statistiques personnelles. C'est ça, parce qu'il note tout. Hein. Donc, tu peux lui dire que tu fais un 42 de pantalon ou un 28. Lui, il va le croire. Donc, s'en fout. Ouais, il est en train de le rentrer dans la base de données. Bien sûr. Voilà. Dans la base de données Excel, hein, voilà, c'est ça. C'est normal. Tu es inscrite, Élise. Voilà, c'est ça. Bon, alors, Élise, toi, tu voulais réagir par rapport à Camille. Oui, oui. Ben, en fait, j'avais des problèmes d'acné avant aussi. Et j'ai essayé un petit peu tout ce qu'il y avait. Et il y a 2 ans, j'ai été sur Roaccutane. Mm-hmm. Et en fait, sur le coup, c'était un peu violent pendant le traitement. Ouais. D'accord, c'est-à-dire? Et voilà, il y avait quelqu'un qui parlait d'avoir les yeux super secs. Ouais. Du coup, c'était juste abominable. J'avais plus de bouche. Mmh. Mais comment ça, plus de bouche? Ah oui, parce que les lèvres étaient séchées. C'est comme un serpent, en fait. T'es en train de muer, quoi. Ouais, mais ça assèche la peau. Tu tires et du coup, tu saignes et t'as plus de contour de bouche. C'était juste abominable. Ouais, mais il faut mettre du labello aussi, hein. Il faut mettre quelque chose. Oui, mais même c'était un point où j'étais avec mon tube de vaseline dans mon sac tous les jours. Bah, fais gaffe, tu serais tombé sur un mec comme Christophe en train de te mettre de la vaseline sur les lèvres. Je peux te dire que. Mais non, mais c'était ça le souci, justement. C'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un voyait le tube de vaseline dépasser de mon sac, c'était juste pas possible. Mais si tu veux, je peux t'aider, hein. Mais oui, tu veux que je te mette un peu de vaseline sur les lèvres? Oui, voilà, c'est ça. Mais et voilà, et du coup, mais au final, j'ai été en traitement pendant 11 mois et, franchement, même, je regrette pas. Ouais. Ah, non. Ouais, ouais. Ah, mais tu regrettes quand même pas. Ah non, pas du tout, ça a changé ma vie. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais ça revient pas après, du coup? J'avais plus rien du tout pendant à peu près un an. Ouais. Et puis, ça revient parce que voilà, avec les règles, etc., t'as forcément toujours un peu de boutons, le stress, la bouffe, tout ça, ça revient toujours forcément. D'accord, ouais, non, c'est vrai, effectivement, on fait comme ça, d'accord. Ça revient en masse ou. Je voudrais revenir. Attends, monsieur Camille qui a posé une question à Élise. Camille? Oui, ça revient beaucoup, c'est juste. Ah non, pas du tout, non, mais t'as un bouton par-ci, par-là, quoi. Non, c'est gênant parce que du coup, t'as plus l'habitude et tu fais une maladie, mais. Ouais, c'est ça, du coup, t'as un bouton et en fait, t'es en panique qu'ils reviennent tous avec leurs petits frères et petites sœurs, là. C'est ça, du coup, j'ai. Mon armoire à pharmacie est juste blindée de produits cosmétiques maintenant parce que j'essaye tout pour plus rien avoir. D'accord, ok, bah très bien. Bah merci, Camille, merci Élise et merci Camille d'être venue, en tout cas, toutes les deux, les filles. Hein. Vous restez là, on va vous envoyer au ciné là si ça vous intéresse. Ouais. Et bah voilà, il y a pas de problème, on vous envoie là-bas pour les places de ciné sans problème. Ça fait chier Sandro parce que du coup elle doit tout écrire, donc non, ça l'emmerde. Non, pas du tout, c'est que vas-y, on a plus de place là. Eh bah tu ferais une compile, c'est pas grave, s'il y en a plus là. Oh là là. Ouais, mais je suis sûr que Camille elle aurait préféré le cinéma parce qu'au moins on aurait pas vu les boutons. Oh, et c'est ça. Bah oui, dans le noir forcément. Bon, mais gros bisous Élise, gros bisous Camille. Mike. Oui, Élise. Il y a moyen que je fasse une dédicace? Ah oui, mais tu connais la règle, hein. Une seule personne, mais ce soir exceptionnellement deux. Alors, on a déjà une dédicace à Christophe. Ah, merci. Ah, bravo, voilà. Christophe. Et donc? Et une dédicace à tous les anciens de Lessie avec qui on s'est tapé beaucoup de barres et qui sont encore maintenant sur Twitter. Et ben, on embrasse tout le monde, effectivement. D'ailleurs, il y en a beaucoup, effectivement, sur Twitter, là, tout à fait. D'imbécilité. Exactement. Bon, ben, gros bisous, Élise. Je t'embrasse. Allez, à bientôt. Ciao à toi, Élise. Et puis, bah, Camille, gros bisous aussi, d'ailleurs. On va récupérer, on va faire le tirage au sort aussi tout à l'heure, hein, sur le Facebook, là, pour savoir lequel d'entre vous repartira avec le Twitter. Le mec qui est sur Facebook pour repartir avec un Twitter. C'est toi, Zoé Paul, tu peux le dire. C'est hein, pour pas, ça, on va ouvrir des Twitter, dès demain. C'est pour moi. Donc, vous allez sur Facebook maintenant, et si vous voulez gagner votre iPod Nano, il suffit simplement de faire un like sur la photo où il y a l'iPod Nano. Et puis, on tire au sort tout à l'heure, avant 23h, donc dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. On va savoir lequel d'entre vous repartira avec, eh bien, l'iPod Nano. Voilà. Pour tenter votre chance, vous allez sur facebook.com/MIKL officiel. Retour maintenant avec Camille. De nouveau, mais une autre cette fois-ci, Camille d'Avignon, donc, hein, qui est là avec les gris-gris, avec les grillons là. C'est mignon, j'adore. Allô, Camille? Oui. Ah voilà, t'es là, parfait. Bon, des messages qui sont arrivés, pas gêner le papa quand même, c'est dégoûtant, ouais. C'est juju. Alors pour rappel, pour ceux qui viennent de débarquer, bah soyez les bienvenus déjà, hein, on est les seuls en direct avec vous ce soir, donc soyez vraiment les bienvenus. Et donc Camille nous avait appelé la semaine dernière parce qu'elle avait des soupçons sur le fait que son père ait une maîtresse, et donc bah entre-temps ça s'est avéré puisqu'elle a grillé son père en train de coucher avec sa maîtresse en plein milieu de la cuisine familiale. J'ai bien résumé, Camille ? Oui. Bon. Alors, et donc toi, tu, il y a Xavier qui est là et qui voulait réagir. Salut Xavier. Allô. Comment ça va Xavier ? Ouais, vous. Bah ça va, tranquille. Hein, t'appelles de Toulon, toi. Passe un bon week-end. Oui, ça va. Bon, nickel. Alors Xavier, toi, tu voulais réagir par rapport aux maîtresses. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi ? Parce que j'avais demandé hein, aux auditeurs auditrices là de nous dire si, bah s'ils avaient peut-être déjà grillé leur père, leur mère avec avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et alors, toi, c'est ça ? Ben en fait, moi, j'ai 19 ans, mais ça m'est arrivé, il y a longtemps, il y avait 4-5 ans. Ouais. Et en fait, ben, j'étais encore en quatrième, et puis je rentre ben, de collège, et ben en fait, je vois mon père dans mon lit, avec sa maîtresse. Ah, dans ton lit ? Dans ton lit ? Mais qu'est-ce que c'est ? Autant il y a des gens qui peuvent évidemment avoir le fantasme d'aller coucher dans le lit de leurs parents, même si je trouve ça dégueulasse. C'est sale. Mais alors, quand t'es parent et d'aller coucher dans le lit de ton gosse... Mais oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Et donc, tu l'as grillé, mais il a vu que tu l'avais grillé ou pas? Ah bah ouais, bah, ma chambre, en fait, c'est une chambre isolée, du coup, je suis rentré, et bah, je les ai vus, et mon père, il m'a vu, et tout le monde s'est vu, et vous vous êtes revus. C'est ouf, ouais, voilà. Oh là là. Et donc, techniquement, aujourd'hui, tu dors encore dans celui-là ou pas ou... Bah, en fait, non, maintenant, j'ai mon appart, hein, je l'ai eu il y a 6 mois, j'ai eu mon appart. Mais ça restera un gros souvenir, quoi. Donc. Bah oui, ça, quel souvenir, hein. Et depuis, tes parents sont encore ensemble ou. Comment ? Tes parents sont encore ensemble depuis ? Ah non. D'accord. Mais le pire. Mais ton père a gardé la chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est quoi le pire ? Le pire, c'est que, en fait, vu du point que j'ai eu là, ben le pire, c'est que je. Mon père, en fait, il s'est même pas arrêté, il a continué à baiser sa maîtresse. Mais allez, allez, va dans ta chambre. Veux-tu bien fermer la porte? J'y suis, papa. Oui, va dans le salon. Va faire la vaisselle. Non, mais c'est dingue, quoi. Oh, putain. J'ai jamais vu un papa pareil, et le mien, il a tout simplement continué à baiser, quoi. Bah oui, écoute, il s'est dit, bah, je me suis fait griller, autant pas gaspiller la cartouche, quoi. Il l'a fait exprès, c'est pas possible. Bah non, comment dit, il va pas le faire exprès. Tu vas pas dans la chambre de ton fils pour faire ça. Mais t'es rentré plus vite, plus tôt que prévu ou Ouais, je suis rentré 2 heures à l'avance. Mais il avait son lit à lui. Ouais, mais je trouve ça bien. Il a pas voulu baiser dans le même lit que sa femme. Il allait dans par le respect. Fils. Voilà, hein? Par respect pour sa femme, il a fait ça en lit du fils. Ouais, t'imagines, ça se trouve, ça faisait des mois qu'il baisait dans ton lit, tu te rendais pas compte. Non, mais faites ça dans un hôtel, faites ça pas ailleurs, quoi. Mais c'est quand même dégueulasse. Bah oui, c'est sale. Bon, qu'est-ce que t'aurais comme conseil à donner à Camille? Toi, du coup, qui est un peu perdu aussi, la pauvre. Ben, déjà, moi, j'ai essayé de m'expliquer avec mon père. Ouais. Mais voilà, donc, quand je vous l'ai dit, mon père, il a continué à baiser. Donc, vous imaginez la grosse tête de mule. Il a quand même insisté en m'excusant et tout. Mais. Ah, j'ai cru qu'il avait dit non, c'est pas moi qui t'as vu dans ton lit. Non, mais non, c'est pas moi. Bah, si, papa. Non, mais non, enfin, j'ai deux jumeaux. J'ai un frère jumeau, je vous l'ai jamais présenté. En fait, c'est ton oncle, hein, je te le présente. Voilà, il est jumeau avec papa. Non, mais, putain, c'est donc, moi, ce que j'aurais comme conseil, c'est que, tout simplement, ben, tu jettes tes matelas et avec ton argent de poche, tu t'en achètes d'autres. Hein. Comment ça, avec ton argent de poche? T'es sérieux, là? Attends, ouais, bah ouais. Moi, c'est le père qui paye, hein. Attends, ouais. Il a été souillé, mon matelas. Oui, sauf que j'ai un père très bizarre, moi, alors. Ouais, bon, d'accord, ok, peut-être. Mais en attendant, ça reste quand même bizarre. Et Camille, du coup, t'en as toujours pas parlé à ton père, je me souviens plus, si je t'avais posé la question. Si, mais en fait, j'ai attendu, je me suis barrée quand je les ai vus, et après j'ai attendu dehors qu'elle parte, la meuf. Ouais. Et après je suis rentrée, et après je me suis assise avec mon père, mais sauf que c'est parti en couille, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, évidemment, si c'est parti en couille, forcément, là. Ouais, ouais. Bah oui, mais après, et avec ta mère, t'en as pas parlé? Non. Ouais. Bah, il y a un moment, il va falloir le faire, hein. Est-ce que si ton père, il veut pas admettre les choses? Il parce que tu soupçonnes d'avoir une maîtresse, tout ça, c'est une chose. Ouais. Mais qu'il vienne niquer à la maison, là, par contre, ça se fait pas, quoi. Ouais, c'est sale. Non mais franchement. Ouais, mais je vais avoir du mal à changer la table de la cuisine. Ouais bah ouais là, non mais je te dis qu'il faut changer la table de la cuisine. Sinon, mais... hein, un petit coup d'eau de javel et puis on en parle plus. Mais non, là je trouve ça quand même assez glauque. Il y a Nicolas qui dit le père il l'a fait dans le lit de son fils avec sa maîtresse. Il est horrible père là. Ah oh, j'avoue que c'est bizarre. Hein. Il y a ouais. Mickaël aussi qui dit grosse dédicace à Christophe et à mon père aussi d'ailleurs accessoirement. Et puis Aurore qui dit vive Christophe. Ben merci. Bah tu vois, mais non, hey, quand on dit vive Christophe, il s'appelle Christophe. Sinon il connaît pas ce monsieur. Hein. Je sais pas qui c'est, mais. Ouais, c'est mais ça. Je remercie. Oui oui bah il remercie. Ouais. Bon, bah dites-nous, tiens, les filles, qu'est-ce que vous feriez si vous grilliez votre père aussi? Parce qu'on a, on a l'avis de Xavier. J'aimerais bien avoir l'avis d'une, d'une fille. Voilà, 01 42 48 5000, mesdemoiselles, ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Merci en tout cas, Xavier, d'être passé. Tu reviens quand tu veux, hein. Bah, y a pas de quoi. Est-ce que je pourrais faire une dédicace? Allez, vas-y, attention à deux personnes exceptionnellement ce soir, dont une que tu connais certainement. Vas-y. Bah oui, bah la première c'est Christophe, bien sûr. Ah, bien sûr, évidemment. Ouais, parce que les autres il les connaît pas, qui va faire une dédicace. Voilà. Et l'autre, personne, dis-moi Xav. Bah alors moi j'aimerais bien faire une dédicace à ma Julia, mon meilleur ami. Très bien. Eh ben écoute, pas de problème. Le message est passé sans problème, okay. Xavier. Bah, bonne soirée. Vous êtes génial. Continuez comme ça. Merci, Xavier. Et puis n'oublie pas de prévenir tes potes hein, qu'on est là tous les dimanches 20h-23h et la semaine 23h-2h à partir de demain. D'accord ? Ok. Bon, ça roule. Allez, salut, ciao à toi Xavier, à bientôt. Et puis Camille reste avec nous. On aura Jérémy le timide dans quelques instants. Là aussi j'ai besoin de vous, tiens mesdemoiselles et les mecs là aussi. Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous avez une solution contre la timidité? On en parle dans un instant. Vous envoyez bah, votre message maintenant tout simplement hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Je compte sur vous si vous avez bah, un conseil à donner par rapport à la timidité. Comment est-ce que vous avez réussi à la vaincre? Ou au contraire si vous êtes timide et que vous voulez aussi des conseils, on en parle dans un instant après un son que vous avez découvert sur Fun Radio dans Party Fun. Martin Garrix, c'est Animals sur Fun. C'est Fun Radio là, Martin Garrix à l'instant, je viens de boire du coca donc forcément c'est compliqué, du coup je suis resté coincé sur le Martin Garrix. Voilà, Animals. Ça fait la deuxième fois que je me trompe ce soir, hein, c'est quand même pas mal. C'est vrai, mais oui. Voilà. Mais c'est beau, c'est là, oui, que, oui, c'est là que ça prouve que toi aussi tu es un homme normal. Exactement, ouais. Et que sommes en direct, tu exactement. Voilà, exactement aussi. Clara qui dit surprendre ses parents, oui, ça doit être horrible, mais avec une autre femme que ta mère, c'est encore pire, c'est pas possible. Wendy qui dit, moi je fais un scandale, pas possible, hein, je pourris le lit parental en contrepartie d'avoir pourri le mien. La violence. Non, c'est vrai, franchement, moi je le vis vraiment mal aussi, ben oui. Cela dit au passage, c'est moi, vrai. Je c'est vrai. Chanter, moi. Chanter? Pourquoi? Ouais, chanter. Mais non. Si c'est ses deux parents, tu veux faire quoi? De la thune, tu lui donnes de la thune. Mais si tes deux parents sont en train de coucher ensemble dans ton lit, tu vas pas les faire chanter de quoi? Tes parents? Ouais, si ah, c'était non, deux vieux. Je suis proche gros, pardon. Ah oui, si. Ah oui, non, mais après, si c'est effectivement avec le la maîtresse ou l'amant, ouais, je ouais, me clairement. Tape la maîtresse. Mais bien sûr, évidemment, évidemment. Bon, attends, il y a aussi Marion là qui est avec nous là. Marion qui voulait réagir à Camille. Toujours la Camille d'Avignon? Oui. Avec les grillons. Alors. Et Marion également de Besançon. Oui, là. Comment va le Doubs, Marion là? Oui, mais ça va très bien. Il fait très chaud, tout va bien. Ah, il fait chaud dans le Doubs. C'est pourtant voilà. La région la plus fraîche de France. Hein. Enfin, oui, froide, je sais. Mais tu vois, c'est exceptionnel, donc on en profite. Quoi, bah profites-en, parce que l'hiver approche. Hein, dans 4 mois, il fera moins 30. Donc, Oui, ouais, moins 30, moins 40. De la neige jusqu'au plafond, c'est super. Quoi. Quelle horreur. Voilà. T'es pas obligé de la rentrer, la neige. Hein, tu peux la laisser dehors. Ouais. Oui, non, mais tu m'as compris, quoi. Bon, alors Marion, donc tu voulais réagir aussi par rapport à Camille qui a grillé son père en train de faire l'amour avec sa maîtresse, hein, donc oui. Pas sa maîtresse d'école, hein, sa maîtresse, oui. La meuf quoi. Et donc du coup toi aussi tu nous dis que tu as surpris ton père ou ta mère, je sais pas. Alors moi c'est ma mère en fait, donc en fait moi je les ai pas surpris, mais en fait ma mère une fois elle m'a demandé d'aller sur son mail rechercher des trucs et tout, des anciens messages, et en fait je me suis trompée et je suis tombée sur une conversation. En fait, avec notre voisin, quoi. Et vraiment, une conversation... Avec le voisin, en plus. Voilà, avec tous des détails vraiment dégueulasses et tout. Et voilà, donc, bon, moi, je ne les ai pas surpris. Mais bon, après, j'étais hyper mal. Parce que tu vois, par exemple, une fois, elle n'avait pas voulu faire du shopping avec moi. Puis elle m'avait dit qu'elle était malade. Et en fait, ils ont passé tout l'après-midi à faire ça, quoi. Oh. Et du coup, mais oui, mais c'est parce que tu l'as dit, il faisait froid. Ils avaient besoin de se réchauffer. Voilà, le chauffage était en panne, bon... Voilà, c'est ça. Non, mais après, moi, ce que je voulais dire, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Mais Camille. Bon. Et voilà, Camille, c'est qu'en fait, du coup, moi, j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, voilà, ce que j'ai appris avec ma mère, c'est qu'elle se sentait hyper seule. Et en fait, mon père, je le connaissais pas vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui est pas sympa avec ma mère. Je me suis rendu compte qu'il la laissait toute seule. Et puis, du coup, elle était vraiment très malheureuse. Et en fait, voilà, donc du coup, on en a beaucoup parlé les deux. Puis, d'un autre côté, j'étais presque triste pour elle parce que je me suis dit, elle était tellement malheureuse et tout ce qu'elle a trouvé, c'est d'avoir un amant, quoi. Et donc, moi, je pense que... Ouais, voilà, t'as vu, elle l'a pas cherché loin, elle allait chercher... Oui, voilà, elle est pas allée chercher loin. Puis en plus, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, mais bon, après, je pense que, voilà, ses parents, ils ont une vie. Puis faut se dire aussi que, d'abord, bon, c'est des parents, mais c'est surtout des êtres humains avant tout. Et puis voilà, ils peuvent être faibles, ils peuvent être tristes, ils peuvent être malheureux. Puis ils font des erreurs, quoi, malheureusement. Après, si tu peux en parler avec ton père, tu peux être surpris, quoi. Parce que peut-être que lui, il est hyper malheureux avec ta mère. Et puis, tu t'en rends pas compte, quoi. Ouais, mais bon, en même temps, discret, quoi. Ouais, tu fais ça ailleurs, discrètement. Voilà. Et puis c'est pas ton business, tu vois, au final. Après, ça devient ton business comme quand Camille grille son père dans le milieu de la cuisine. Bah oui, dans le lit, ça devient son affaire. Mais comme avant, la semaine dernière, elle nous avait appelé, ou il y a deux semaines, je sais plus, pour nous dire que voilà, elle soupçonnait son père effectivement de tromper sa mère. Là, c'est pas son business, tu vois. Voilà, son père fait ce qu'il veut, sa mère fait ce qu'il veut. S'ils s'entendent plus, ils s'entendent plus. Mais quand tu fais ça en plein milieu de la cuisine, je m'excuse, mais il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Oui, non, mais il avait pas à faire ça dans la cuisine. Je suis d'accord avec. Mais après, voilà, il faut pas oublier que c'est des êtres humains et tout. Puis, je veux dire, faut pas tout de suite qu'elle diabolise son père en disant avec quel salaud. Non, tout. Après, c'est la raison. Voilà. Après, ça reste son père. Hein. C'est pas parce qu'il fait ça en plein milieu de la cuisine que c'est peut-être un gros porc sexuellement, mais ça n'empêche pas qu'il aime sa fille. Hein. Non, mais tu vois. Oui. Je sais pas. Après, voilà. Faut juste faire ça. Voilà, c'était juste pour lui dire que voilà, elle est pas toute seule. Je pense qu'on est plusieurs. Enfin, on est plusieurs enfants à avoir eu ce genre de problèmes dans la vie. Et voilà, faut pas non plus diaboliser les parents. Et puis bon, c'est la communication avant tout, quoi. Non, là c'était sur communication, hein, si je puis me permettre. Oui, oui, voilà. C'est ça. Bah écoute, merci en tout cas, Marion, d'être passée. Hein. De rien, je vais faire une petite dédicace. Ah, vas-y, bien sûr, mais attention à deux personnes ce soir, hein, évidemment. Je vais en faire qu'à une, mais écoute, non, à deux, je vais faire une dédicace à mon chéri qui m'écoute là, et puis je vais faire une dédicace à mon chien que j'aime qui écoute la radio aussi. Marion, voilà. C'était deux dédicaces, ouais. Une dédicace à quelqu'un. Tu parlais le chien, c'est Christophe. Et ah! Oui, en fait, le chien, c'est Christophe, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, bien sûr, alors d'accord. Alors voilà. D'accord. Ok, d'accord. Non, mais alors d'accord, ok, très bien, Marion. Bon, bah, je te fais des gros bisous en tout cas. Passe une bonne journée, merci. Une bonne soirée. Allez, qu'est-ce que j'ai de journée. Et on embrasse tout le monde dans le doux. Salut, Marion. Merci, salut. Ciao. Et Camille, bah, tiens-nous au courant quand t'auras des nouvelles par rapport à ton père, ta mère et tout ça. Hein. Non, mais je lui ai parlé à mon père, ça, le truc, c'est que aujourd'hui, vu qu'on s'est pris la tête, on se parle plus, quoi. C'est... Ouais, mais bon, il va falloir lui reparler, hein. Ça reste ton père, hein, peu importe ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Bah oui, c'est pas parce que. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu tombes dans un truc qui ne te regarde pas que tu dois plus lui parler, tu vois. À la limite, que ta mère lui parle plus, ça, c'est une chose. Parce qu'il s'est quand même foutu de sa gueule. Mais toi, c'est pas ton business. Tu fais ce que tu. Oui, mais il le dira pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que ma mère, elle le sait toujours pas, là. Non mais d'accord, mais il y a un moment, bah tu lui as dit quoi quand tu l'as vu? Ça s'est vu, rien, parce que je suis partie, mais après on s'est embrouillé, enfin je lui ai dit. Ben, je regrette, mais bon, voilà, j'ai dit que c'est un connard. Enfin, non, mais voilà, sinon, mais tu vois, tu laisses traîner 2-3 capotes et puis non, mais là-dessus, t'as pas à le juger. Tu dois pas lui dire que t'es un connard, tout ce que tu veux. Tu lui dis simplement, voilà, moi j'ai vu ce que je devais pas voir, donc soit tu le dis à maman, soit je lui dis. Mais voilà, tu lui mets un ultimatum. Tu lui dis, voilà, si tu lui as pas dit pour telle date, ben je lui dirai. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, hein. Non. Après, il va peut-être mal le vivre sur le moment même, mais il va se rendre compte avec le temps que t'as raison de le faire. Je veux dire, s'il fait ça, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un moment, faut faire le ménage, quoi. Non, moi, je pourrais pas le dire à ma mère, mais bon, après. Ouais, mais ça, il le sait pas. Mais voilà. Ah, sinon, tu laisses des petits mots, tu vois, genre, tu laisses des numéros d'une meuf, même si tu la connais pas, c'est pas grave. Ouais. Et de toute façon, il se fera griller un jour ou l'autre. Hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Genre, même si tu lui dis pas, il y a un moment, ta mère, elle est pas idiote. Hein, elle va s'en rendre compte à un moment ou à l'autre, je pense. Hein. Sauf si elle le sait déjà et qu'elle laisse pisser parce qu'elle s'en fout. Enfin, c'est possible, tu vois. Après, t'as des gens qui s'en ouais, foutent. Ou elle a peut-être pas envie de savoir, tu vois. Ouais, peut-être qu'elle veut fermer les yeux. Je sais pas. À voir. En tout cas, tiens-nous au courant, s'il te plaît, Camille, d'accord? Comme tu l'as fait ce soir, c'est cool. Merci Camille. Merci. Allez, bah bon courage à toi. Tu peux passer une dédicace? Oui, à deux personnes maximum. Tu connais la règle là, ce soir. Hein. D'habitude, c'est une, mais ce soir, deux. Alors, Amandine et à Christophe. Ah, ah, parfait, très bien. Eh ben, très bien. On embrasse Christophe également, y a pas de problème. Bah, moi, je l'embrasse aussi, ça a l'air d'être un mec vachement bien. Il est pas en top tweet, Christophe, ce soir? Il est pas en top tweet. Allez-y, faites ça. Ça aurait pu, tweet. Ouais. Bah, ouais. Hashtag Christophe, hein, je compte sur vous, là. Mettez top tweet ce soir. On rigole, là. Ouais, vous mettez hashtag Christophe Fun. Voilà, comme ça, on saura que c'est le nôtre. Voilà, donc, je veux qu'il soit en top tweet, là. Vous avez encore, quoi, 20 minutes, là, pour le faire, là. Je compte sur vous. Hein. Hashtag Christophe Fun. Est-ce qu'on peut mettre son t-shirt sur, sur Instagram? Parce qu'il a pourquoi quand même pas. New York City Mental Institution. C'est un truc psychiatrique en fait pour ceux qui savent pas. Non moi. Mais c'est très bien. Bon allez, on fait ça dans un instant. Salut okay. Camille, gros bisous. Okay. Oui. Est-ce que à l'avenir tu pourras passer du rock? Bah c'est pas trop le format de la radio Camille. Si moi j'aime beaucoup, mais bon c'est Fun Radio, le son dance floor hein, donc. Ah mais c'est relou quand même, Martin Garrix ça j'ai un peu vu. Mais c'est trop bon, mais attends, Martin Garrix, je peux pas te laisser dire ça. C'est du rock. Non mais t'inquiète pas, non mais là je pourrais pas malheureusement Camille hein. Elle est énorme. Ah, mais c'est gentil. On est après à 2h, ils écoutent pas les gens. Écoute, tu sais quoi, Lucas, le boss de la radio revient demain. J'essaierai de lui en parler. Je suis à 2h du match. Je suis pas convaincu qu'il kiffe l'idée, mais bon, écoute, pourquoi pas. On verra. Mais je te prends. Bah oui, mais bon, Camille, écoute, il faut pas critiquer. Ça reste bien. Il faut apprendre à aimer, Camille. Tu vas voir. Je te permets pas de critiquer Martin Garrix. Exactement. Martin Garrix, c'est bien. Bon, Camille, je te fais des gros bisous en tout cas. Ouais, moi aussi. Je t'embrasse. Merci. À bientôt, Camille. Ciao à toi. Et puis, on revient dans un instant avec Jérémy aussi, avec la timidité. Et on va revenir avec le son de Icon Pop aussi. Ah bah, dédicace à Camille, tiens, Icon Pop. Ah, kiffé, à mon avis. Icon Pop dans un instant sur Fun Radio sera. Et ce sera I Love It. Voilà, on revient dans un instant avec le tirage au sort aussi sur le Facebook là. Dernière ligne droite pour choper votre iPod Nano ce soir sur le Facebook de l'émission. Il suffit de faire le like sur la photo où il y a l'iPod Nano. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben je vous appelle. Si vous décrochez, vous repartez avec l'iPod Nano. C'est pas plus compliqué que ça. Facebook.com/MIKL officiel. Allez, bougez pas, on vient après. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Mickaël, No. Tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, là, allez vous balancer vos messages en France. On est les seuls ce soir à être en direct et à faire émission rien que pour vous. Pour nous joindre d'ailleurs, 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard. Il y a Sandro d'ailleurs qui s'y colle. Et puis je vous rappelle aussi qu'il faut venir nous rejoindre hein, si vous voulez là sur Twitter. Là, si vous me followez, je vous follow aussi. Et bien Twitter, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Il y a eu du monde ce soir, là, donc j'ai pas encore eu le temps de follower tout le monde là, mais je ferai ça après l'émission tranquille. Vous allez voir, je n'ai qu'une parole, je le ferai. Il y a pas de problème, j'ai déjà fait ça sur une centaine de personnes là, pendant les pubs et les disques, et je continuerai après l'émission sans problème. D'ailleurs, en parlant d'après l'émission, il y aura Party Fun by Econ aussi tout à l'heure. Là, ce sera avec Miko à partir de 23h sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute de Fun, bien entendu. Et puis on va récupérer aussi Jérémy avec la timidité, on en parle dans un instant. Il y aura David, il y aura Guillaume, il y aura Laurent également, et puis le son dance floor de Icon and Pop qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio, juste avant le tirage au sort là pour gagner votre iPod Nano. Eh ben ouais, l'iPod Nano a gagné sur facebook.com/MIKL officiel. On tire au sort dans moins de 3 minutes après Icon Pop sur Fun. Bonne soirée tout le monde. C'est Fun Radio avec Icon Pop à l'instant. C'était I Love It sur Fun Radio. Un truc à dire. MIKL. Appelez MIKL. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, et il suffit simplement de venir balancer votre message maintenant. Tout simplement, vous appelez Sandro au standard, ou alors vous envoyez tout simplement votre message hein, sur Twitter. On essaie de mettre Christophe Fun en top tweet là ce soir. Est-ce qu'on ça y est là? N'arrivera pas. Mais on sait pas justement là. Je compte sur vous là. Mettez le hashtag Christophe Fun. Sur vous. Non, mettez le hashtag Christophe Fun pour que, ouais. Pour qu'il soit en top tweet avant 23h là. Je compte allez. Sur vous, allez-y. Et apparemment, avec Twitter, il y a un peu de lag, donc ça se trouve, ce sera 23h30 le top tweet. Ouais, mais défoncez le truc là, on y va là. On est chaud là. Ah bah, je compte sur vous là, à mort là. Voilà, Christophe Fun en top tweet, je compte sur vous avant 23h. En tous les cas, il y a Jean Kebab qui est à fond de balle là. Complètement. Il tweet, là. Allez, complètement, vas-y. Complètement. Et puis je vous rappelle que on va aussi vous offrir tout à l'heure, eh bien votre iPod Nano, c'est le dernier qu'on va vous offrir, enfin le dernier, c'est le dernier de la journée, je veux dire. Hein. Le dernier qu'on va vous offrir tout à l'heure là, ce sera avant 23h, dans moins de 8 minutes. Donc si vous n'avez pas encore liké, allez-y, MIKL officiel sur Facebook. On fait le tirage dans quelques instants. Il y a la photo de l'iPod Nano, il suffit de faire un like sur cette photo. Et si vous êtes tiré au sort, à vous l'iPod Nano, c'est pas plus compliqué que ça. Bonne chance. Facebook.com/MIKL officiel. Retour avec Jérémy et la timidité, là. Toujours là, Jérém. Ouais, salut. Ouais, très bien. Salut à toi, Jérém. T'appelles de Beauvais, toi, en Picardie, c'est bien ça? Voilà, ouais. Bon, et tu nous appelais parce que t'es timide, et je vois que t'es toujours puceau, mais t'en avais pas parlé, ça? Si, je t'avais dit, mais t'as pas entendu, en fait. Ah, d'accord. Mais donc, toujours puceau à cause de la timidité? Ouais, voilà, ouais. Ah, ouais, forcément, ouais. Bon, et c'est quoi ton problème en fait de timidité? C'est quoi ton souci? Qu'est-ce qui fait que t'oses pas? T'as peur de quoi? T'es timide avec les filles ou surtout ou c'est quoi? Ouais, avec les filles, ouais. Je sais pas trop comment aborder, même en soirée ou même dans la rue comme ça, quoi. Je sais pas trop comment aborder. Tu sais, j'ai peur d'être un lourdeau, quoi, disons. Quoi. D'accord. Voilà, quoi, de mal m'y prendre, quoi. Ouais, non, j'ai compris. Mais t'as déjà eu des soucis, genre t'as des meufs qui t'ont envoyé chier, qui t'ont humilié. Envoyé chier. Oui, envoyé chier plein de fois. Hein. Ça c'est normal. Ah, mais tu fais comment pour draguer là? Par exemple, fais un exemple. Comment je fais pour draguer? Ouais, par exemple, tu vois une fille qui te plaît. Comment tu vas essayer de l'aborder? Bah, je sais pas. J'ai fait ouais, salut. À l'heure. Salut, ouais. Tu t'appelles comment? Je te trouve mignon, tu sais, moi, souvent, je dis directement. Attends, je te passe Sandro, essaye de draguer Sandro pour voir. Et pour ouais. Sandro, faut faire. T'as pas un 06. Eh, vas-y, t'as vu quoi? Ton père, c'est un voleur, t'as vu? Il a volé ta mère, il a mis les yeux dans. Il a mis les étoiles dans les yeux. Bon, je te mets la musique, là, c'est parti. Non, attends, peut-être pas celle-là. Voilà. Love music. C'est quoi cette musique? Bah, c'est Scorpion, c'est bah, Still Loving You, c'est une chanson de. Voilà. Et tu veux quoi toi? Bon, vas-y. Ouais. Le péplum? Bah, on s'en fout, et t'occupes pas de la musique, c'est accessoire. Quand t'es dans la rue, tu vas pas. Ah bah si, prends Walkman. Walkman. Oh tiens, meuf, je suis venu avec mon Walkman. Mais qui connaît encore ça, un Walkman? Et bah, figure-toi que j'ai croisé une meuf, elle avait un Discman. Oh là là, Discman. Donc alors, pour rappel, hein, le Walkman, c'était un espèce de boîte qui doit faire à peu près 4 iPhones. À peu près. En épaisseur. Dans lesquels on pouvait. Quand on avait l'option écouter la radio, ouais. Quand on n'avait pas l'option, on pouvait mettre une cassette. Ouais. Alors le disque. Et par contre, le son, c'était vraiment de la merde. Hein. Ah bah ouais. Et alors le Discman, c'était qu'on mettait un lecteur, c'était un lecteur CD portable. Ouais. Non, je dis ça pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a. Hein. Ouais. Et alors, le problème, c'est que malheureusement, c'est que dès que tu commençais à marcher, ça sautait. Donc c'était pas pratique, quoi. Et il faut surtout expliquer quand il y avait plus de piles, ça. Ça marchait moins vite, évidemment. Voilà, donc, et on mettait des CD dedans. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Jérémy, alors, fais comme si tu venais de rencontrer Sandro. Mais attends, juste, tu dragues des meufs dans la rue comme ça au hasard ou c'est avec des nanas que tu connais déjà, que t'arrives pas? C'est pas la même chose. Non, au hasard, comme ça. Dans la rue? Ouais, dans la rue. Ah bah, t'es pas si timide que ça, hein, si t'accostes des meufs dans la rue. Ah ouais. C'est pas de la timidité. Ouais, enfin, j'essaie, faut me faire recaler à chaque fois. Quoi. Donc, ah ouais, mais faut quand même avoir un bon niveau de... Mais ça, c'est normal, hein, je veux dire. Pour faire ça. Non, parce que moi, personnellement, tu vois, moi, je suis timide et je vais pas draguer des meufs dans la rue. Hein. Ouais. Moi, je le fais, moi. Non, mais toi, d'accord. Tu fais comment, toi, Polo? Non, mais je le fais pas souvent. Hein. Non, mais d'accord. Encore heureux. Mais comment moi, il fait, Polo? Mais ça dépend, parce que ça dépend de la situation. Et c'est vrai que j'évite dans la rue parce qu'en fait, la fille est pas en sécurité. Donc, quoi qu'il arrive, elle va te rembarrer. Et je suis pas bon, je suis pas... Je suis pas quoi. Non, mais c'est genre si c'est une nana qui est à côté de toi dans un rayon par exemple, bah oui, tu lui fais une petite vanne et tout et puis ça marche. Enfin, ça dépend de la situation, ça dépend ce qu'elle fait, ça dépend ce qu'elle porte, tu vois. C'est dépend ce qu'elle porte. Si elle est nue, évidemment, je drague de manière différente, hein, quand elle est en plein milieu de la rue, évidemment. Il y a Clara sur le Facebook qui dit pour la timidité, les cours de théâtre, ça marche pas mal. Kevin qui dit vous êtes très fort, là, continuez comme ça, vous gérez. Merci, c'est gentil. Il y a Léa qui dit Mickaël, petite dédicace spéciale, mignon. Bah oui, tiens, ils sont là. Bah voilà, ils sont là, les mignons, il n'y a pas de problème. Et alors, message de Christopher qui dit ça fait du bien de vous écouter le dimanche soir avant la reprise. Eh bah, bon courage demain, pour la reprise à tous ceux qui reprennent, justement, demain, là. Bon, Jérém. Attends, il y a, Laurent qui est là, qui avait un conseil peut-être à te donner de Grenoble. Salut Laurent, comment vas-tu? Salut Max, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, sois le bienvenu, t'avais un conseil à filer à Jérém, toi? Ouais, moi, ça va, je gère. Hein. Mm-hmm. Mais tu fais, ouais, mais qu'est-ce que t'as comme conseil à donner? Parce que tu gères, c'est bien, mais bon, en vrai, c'est quoi le conseil? Mais tu gères quoi comme fille? Ouais. Il va peut-être prendre 200 râteaux. Coupe la radio, s'il te plaît, Laurent. Voilà, parce que sinon tu vas avoir du retard, ça va être chiant. Je dis, il faut pas qu'il hésite à parler aux femmes. Ouais. Le truc, il faut lui faire croire à la femme qu'elle est plus intelligente que toi. Mais c'est pas compliqué ça dans l'idée, hein, Laurent. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais bon, faut y penser quoi. Faut y penser, mais c'est pas compliqué quoi. Ouais. Ouais, pour les filles, c'est sûr, c'est blonde, les facilités incroyables. De quoi? Comment tu fais toi? Et justement, attends, Laurent. Ouais. Je vais essayer de refourguer Sandro. Non, mais non, merci. Essaye, non, non. Imagine, là, Laurent, que tu viens de voir Sandro et que t'essayes de la draguer. Ouais. Alors, vas-y, je te présente Sandro. Sandro, Bonjour. Bonjour, Sandro, ça va? Ça va, et toi? Ça va, t'as passé un bon week-end, Sandro? Tu crois que je t'ai pas reconnu, Sandro? Comment? Tu crois que je t'ai pas reconnu, là, ton masque? Qu'est-ce qu'il a, mon masque? Ouais, il est bleu. Ah bon? Qu'est-ce ah, il est bleu et vert. Tu m'as pris pour la schtroumpfette? Ben, moi, je prends des schtroumpfers, ça se peut. Ah, tu prends des schtroumpfs comment? Ben, je te dis pas, mais je prends des petits schtroumpfs à la télé. Nous sommes dans une faille. Tu regardes les schtroumpfs à la télé? On pourra regarder ensemble? Parce que moi aussi, j'adore les schtroumpfs. Eh ben, quand tu veux, du moment je suis disponible. Mais j'espère que t'as pas peur des sensations trop fortes. C'est-à-dire? Ben, avec moi, tu vas grimper au rideau, moi, chérie. Ah bon, tu vas me faire quoi? Oula, la misère. Mais, vas-y, décris-moi. Il sert la misère à ton cul, déjà. Oh là là! C'est trop du cul, je vais te casser en deux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu me chauffes! Ah, t'aimes ça, salope, hein? Ah oui, je suis complètement émoustillé. Eh, si tu comprends, chérie, c'est normal. Tu vas t'en remettre demain. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas me faire? Dis-moi tout. Ben, demain, je te fais une petite fraise. Tu vas me faire une petite fraise? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais manger ton... ta boîte à pipi, je vais la manger. Oh. Tu vas me manger, oh là là, j'adore ça. Tu sais que les femmes ont quatre lèvres. Ah bon? Ah ben, ça va aller, on l'a compris. On a compris, maintenant. Laurent, tu dragues réellement comme ça, vraiment? Faut leur faire croire qu'on est plus intelligent qu'elles, donc. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est pas compliqué, hein. Non, mais hein? C'est, ouais, c'est pas mal. Bon, Jérém. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te reprendre demain parce qu'il y avait encore du monde là, qui voulait donner des conseils pour la timidité, etc. Ouais. Bon, n'écoute pas Laurent, hein. Ouais, non. Il vaut mieux éviter parce que, oh, pas que Laurent, tes conseils étaient pas mauvais, hein. Non, c'est pas très, ça, très mais bon. Ils étaient archi Laurent, mauvais. Laurent, il était puceau jusqu'à 39 ans, on sait pourquoi maintenant. Ah, bah, maintenant, on a compris, hein. Précisé, ça. Ah, bah oui. Bah, bravo Laurent, tu nous as pas tout dit. Ouais. Bon, bah Laurent, bah bon courage pour la suite, hein. Et bonne journée, bonne soirée. Ah bah bonne journée à toi aussi, Laurent. À bientôt, ciao à toi, Laurent. Bon bah du coup, on va reprendre David qui est là aussi. Tu peux revenir demain, David? Oui, y a pas de bon, soucis. Super. On te rappellera demain, t'inquiète pas, David. Pareil pour Guillaume, là, t'auras le temps demain? Oui, je vais essayer. Parfait, bon bah je te repasse chez Sandro, Guillaume aussi. Merci à vous en tout cas, Jérém, on te rappelle demain également, d'accord? Ouais, ok, à quelle heure par contre? Bah, je sais pas, tu vois, avec Sandro, je te la repasse. Midi, ouais. Ça te va? Ouais, vers midi, midi et demi quoi. Ça marche. Bon bah merci à vous en tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de Fun, à bientôt. Salut. Ciao, Jérém. Et puis on avait le gagnant là aussi, là. Oh là là, le gagnant oh là pour, là là. Bah, j'avais dit avant 23h, il est 23h40. On y va, on appelle maintenant le gagnant sur Facebook, là, celui ou celle qui avait fait un like sur facebook.com/mikaelofficiel. Bah, si il ou elle décroche, il repart avec l'iPod Nano, là, c'est parti. Allez, allez. Yo. Allô, bonjour, yo. Comment tu t'appelles? Cyriline. Bon, bah, oui. Bienvenue, Cyriline. Oui, effectivement, c'est quoi ton deuxième prénom d'ailleurs? Audrey. Cyriline Audrey. D'accord, ok. Oui, bah, moi j'aurais pris Audrey en premier, hein, mais après. Oui, mais par contre, elle avait un petit sens de l'humour à mon avis. Ah bah. Eh, on va la faire chier, regarde là. Hein, regarde, tu verras, elle va la voir honte toute sa vie là. Mais viens, on va la faire chier. Vas-y, voilà, Gérard. C'est clair. Bon, Cyriline, tu avais fait le like sur le Facebook là? Oui. Eh ben voilà, t'as été tiré au sort, t'as gagné l'iPod Nano, il est pour toi, Cyriline. Ah ben c'est génial. Eh ben voilà, merci. Eh ben je t'en prie avec plaisir, Cyriline. T'es dans quelle ville toi, dis-moi? Du côté de Charleroi. Charleroi, très bien. Eh ben parfait. Et écoute, on va t'envoyer ça du côté de Charleroi. Alors avec plaisir, Cyriline. Ah ben parfait. Merci. Eh ben écoute, surveille le facteur, on sait jamais. Avec plaisir. Ouais, fais attention. On sait jamais qu'il te pique l'iPod Nano, ce serait connard là. Ouais, j'ai fait attention. Ça marche. Bon ben salut Cyriline et gros bisous, hein. Oui, à vous aussi, merci beaucoup. Allez, à bientôt, ciao à toi, Cyriline. Ouais. Bah voilà, c'est pas plus compliqué que ça, demain on remet le couvert. iPod Nano peut-être à gagner donc à partir de 20h sur Fun Radio. Et ça y est, Christophe, ouais. Christophe Fun est en top tweet. Ouais. Ouais. Eh ben merci à vous, je vois que je peux compter sur vous, ça fait plaisir. Continuez. Bravo. Ah bah voilà, ça fait plaisir, tiens. Il s'en va. Ouais, du coup, il se barre. Il se barre, il est parti comme ça, comme... Voilà, bah comme merci en tout cas, c'est bien. Hey, je vous ai demandé il y a 10 minutes de mettre Christophe Fun Radio, Christophe Fun en top tweet. Vous avez réussi, et eh bah bravo à vous, je suis fier de vous. Je suis là. Je suis fier de vous, là, c'est bien. T'as vu, t'es une star. On peut t'appeler Toff maintenant, c'est bon, il est 23h. Ah, cool. Voilà, ça y est, donc Christophe, top tweet, ça y est, Christophe Fun, merci à vous en tout cas. Bon, bah merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, les nouveaux également. Il y a eu plein des nouveaux là ce soir qui sont connectés sur le Facebook. Là, vous avez été plus de 1000 d'un coup, là, ça fait plaisir. Hein. Et pour l'émission qui a 3 semaines, on est 113 768. Là, je compte sur vous pour continuer à venir en masse. On remettra encore un iPod Nano en jeu demain soir. Et puis, sur le Twitter également, là aussi, vous êtes nombreux à avoir débarqué ce soir. Qui est connecté ce soir je ne sais plus. Bon, bref, il y a Ken notamment. Ouais, Let's Be Freaks également. Elise, Chris, Clara, Issam de Liège aussi. DJ Kylian, Aurélie, Grace qui était là. Il y avait Maël également. C'est un homme, hein, Maël. Hein. Aurélie également, Kevin, Ben et tous les autres. Merci à vous toutes et tous d'être passés ce soir, d'avoir passé la soirée avec nous. En tout cas, nous, on s'est bien marré avec vous. Ouais. Et on se retrouve demain à partir de 23h demain sur Fun Radio. Donc, comme ça, vous êtes tenus au jus. Voilà. À demain, tout le monde. À demain. À demain. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Christophe. Allez, au revoir, Christophe. Ah non, on a dit Toff maintenant. Hein. Oui, c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est bon. Fini. Allez, et Sandro qui galère parce qu'elle doit prendre les coordonnées maintenant. Ah là là, écrire. Ah bah ouais, vous avez pris le gagnant à 23h, bande de connards. Et du coup, je dois faire les hors-sup. Bah oui, on l'a pas pris avant. Voilà, laisse tomber. Oh là là, je vous jure, c'est n'importe quoi là. Allez, Party Fun, c'est parti. On se retrouve demain à partir de 23h sur Fun. Ciao. 20h, 23h. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio.